C'est là où tout commence, bienvenue les amis, bienvenue sur Indestar, il est 19h. Et ce soir c'est la deuxième du chantier. Je suis Monsieur Vélim du BET de l'OPC pour le PGC. Je viens vous voir suite à l'annonce sur le BOAM concernant le DTU sur le respect de la RT2020 afin d'être en accord avec le CCTP et le CCAG présente sur le DTU si on veut pouvoir transmettre le DAACT à notre client. Vous me suivez ? Non, on ne suit rien du tout avec votre charabia là. Suivez plutôt les aventures du chantier sur Indestar avec une équipe qui s'est causée. Le chantier, c'est ce soir sur Indestar. Hello, hello, les amis bricolos, ce soir c'est le chantier. On est là pour s'amuser, il y a Angers, Lisa, Théo, François, André. Sans oublier Brigitte, Nono et Kiki. Sur une star, t'as pas le droit d'avoir cafard. Prendre la perceuse, tasseuse, aime le ska. C'est le chantier. Bienvenue sur Indestar les amis, bienvenue dans le chantier. Nous sommes mercredi soir et c'est la deuxième ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Angé, bonsoir Lisa, bonsoir Noémie, bonsoir François, bonsoir Kylian et bonsoir, bonsoir. Brigitte. Bonsoir. L'équipe au grand complet ce soir, presque au grand complet. Il nous manque un petit Teddy. Un petit Teddy qui sera là le mois prochain finalement, puisque cette émission a lieu une fois par mois. C'est une émission mensuelle. Voilà, jusque là on a posé les bases. Les bases justement, c'est quoi la thématique de cette émission, Angéline? Eh ben on va parler des murs. Oui, exactement, on va parler de la structure, du gros œuvre en fait hein. Donc bien sûr on est en rénovation de maisons, d'appartements, de bâtiments hein, industriels si vous voulez. C'est la thématique du chantier, on apprend. Nous, en tant que novices ou moins novices, puisqu'on a quand même Nono qui est quand même dans le métier, hein, ne l'oublions pas, François, moi, voilà, chacun son truc. En tout cas, on essaye, nous, à notre petit niveau, plus ou moins gros, de vous donner des tips, des conseils, des solutions pour faire évoluer votre habitat, pour rénover votre maison, pour que ça devienne finalement une sorte de château, quoi. Ou que ça passe d'une grange en maison, c'est déjà pas mal, oui, c'est vrai. Un lieu où il fait bon vivre, ça sera un déjà bien. Un lieu où il fait bon vivre, c'est une très bonne idée. Donc oui, aujourd'hui, la grande la structure, hein, finalement, on va parler de différents matériaux, puisque pour faire du gros œuvre, on peut utiliser plein de matériaux. Donc on vous fera un petit comparatif de ce qui coûte cher, ce qui coûte moins cher, ce qui est, voilà, quelles sont les qualités et défauts de tous les matériaux, en tous les cas des principaux. On aura également Hugues, qui sera notre invité ce soir, qui lui a réalisé non pas sa maison mais sa yourte. Donc il a monté sa yourte avec des potes, hein, et il va nous parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une yourte? C'est, tu vois, un yaourt. Oui. Ça n'a rien à voir. On en parlera tout à l'heure, on laisse le suspense, tu verras, il nous détaillera un petit peu à quoi ça ressemble et comment on vit dans une yourte. On aura bien sûr les questions-réponses que vous avez posées à la fin de cette émission avec Angé, le quiz avec Noémie, on aura également le récit du chantier, donc là ça me concerne mon chantier un peu perso que je fais en parallèle, hein, qui avance malgré tout, malgré la pluie, malgré l'hiver, il y a quand même des choses qui se passent, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis évidemment on a été vous poser des questions, alors Lisa, je laisse, enfin Lisa ou Kiki hein, d'ailleurs, parce que vous étiez tous les deux sous la pluie. Alors, oui, qu'est-ce qui... c'est vrai. Oui, sous la pluie. Sous la pluie, on a échappé au pire quand même. On a échappé au pire, ouais. On avait terminé juste avant la grosse pluie. Vous avez été posé quoi comme question? Quelques petites questions comme ça. Ouais, pour leur demander si... s'ils avaient posé des cloisons, des murs, d'accord, ou quoi que ce soit. De l'enduit, du gros œuvre. Du gros œuvre, messieurs, dames, du gros œuvre. Eh bien, je propose qu'on écoute leurs réponses. C'est pas difficile, pour celui qui connaît, c'est pas dur. Après, on coule du béton en 350 kg. Et puis après, on monte les murs dessus avec des poteaux raidisseurs. Et des parpaings qui sont troués, exprès. On met une ferraille à la verticale. Et puis après, on coule du béton dedans, ce qui permet de faire un poteau. On peut mettre de la terre derrière, ça fait une retenue, ça fait une solidité. Voilà. Pour les cloisons, ça peut être du placo, ça peut être monté sur rail, ça peut être de la cloison sèche, ça peut être de la brique. J'ai même fait ma piscine. un garage, mes caves, et puis voilà. On a fait un... On appelle ça notre jardin antique. Il est fait en replaqué, parce que des fois, on part pas. Avec un dallage aussi antique. Et avec les restes, on a fait un... Il a fait un puits. On a refait le sol, on a refait les murs, on a tout fait, quoi. Tant qu'on se sent en capacité de faire les choses, on le fait. Et on y arrive. L'un comme l'autre, on aime beaucoup créer, même. Il y a toujours une idée qui en pousse une autre. Il y a voilà. Des choses, on a vu ça en exposition, on a dit, tiens, ça nous plaît, on va le refaire. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise de négoce de matériaux. Et puis moi, à l'origine, je suis charpentier-menuisier. Alors donc, ça aide quand même un peu. 10 ans de travaux, c'est pas une petite maison. Ah, mais j'en demande pas beaucoup. J'étais du bâtiment d'avance. J'étais chauffagiste de métier. Plombier, alors le placo j'ai su faire, le carrelage j'ai su faire, les cloisons en briques et tout ça en placo, ça va tout seul. À l'intérieur, on a fait principalement en placo pour l'isolation, placo plus polystyrène. Voilà, donc on peut faire une cloison placo plus polystyrène ou surrail, vous choisissez. C'est facile. En tout cas, merci aux participants. Oui, merci. D'ailleurs, on s'est un peu senti agressé des fois. Bon, ils ont l'air tout mignons. Moi aussi. Tu les as pas vus en vrai. Ouais. Le monsieur du début. C'est facile. Ils sont super sympas de répondre à vos questions comme ça. C'est déjà gentil de leur part de répondre. Bien sûr que c'est gentil de leur part. Oui, puis on est tombé sur des gens qui avaient pas mal d'expérience. Bah oui, alors oui, c'est ça que j'ai remarqué. C'est qu'effectivement, il y en a, tu sentais que c'était vraiment une passion, mais ils n'avaient pas forcément plus de connaissances que ça. Mais il y avait quand même plusieurs personnes du bâtiment. Après, évidemment, c'est facile, ma petite dame. Ça facilite un petit peu les choses. Mais en tout cas, si vous partez de zéro, si vous êtes comme nous dans la plupart, est-ce que vous avez fait des travaux ce mois-ci? Parce qu'il y en a qui ont fait des travaux à la maison. Alors, tu regardes François? Non, apparemment, j'ai vu des vidéos de travaux. D'accord, okay. Mais je rêve de faire des travaux, moi. Je rêve de casser des murs, en remonter. Mais écoute, figure-toi que dans deux semaines, je casse des murs. C'est vrai, je t'invite. Très sincèrement, j'adorerais venir casser des murs. Franchement, moi aussi. Et bah voilà, on viendrait. T'as encore des murs à casser? Casser des trucs chez toi, du coup. De quoi? C'est quand qu'on peut venir casser des trucs? C'est fin mars. Parce qu'après, il y a le maçon, du coup, qui va reconstruire ce qu'on vient de casser, mais en mieux normalement. Voilà. Donc rendez-vous fin mars avec grand plaisir à la maison. Tu nous donnes du matos. Hein. Ouais. Oui, il y aura des masses, t'inquiète. Est-ce qu'on pourra pas filmer un petit peu le... Ah, on pourra filmer, ce serait bien. Les réseaux sociaux pour vous bien en faire sûr. Profiter, bien alors, évidemment. Pourquoi t'as envie d'abattre des murs Je sais pas. Ça fait du bien. Je sais pas. C'est pour te défouler. Peut-être pour me défouler, on fera peut-être appel à Pascal le grand frère. Vas-y, cogne. Tu cognes sur le mur comme si c'était tes parents. Vas-y, cogne. Pour l'avoir fait de la démolition, ça détend vachement. Parce que, après, ça dépend. Il faut faire attention quand même. Ça dépend ce qu'on veut détruire. Ça dépend si c'est porteur. Ça dépend aussi s'il y a déjà des ouvertures, des menuiseries, s'il y a des linteaux. On pète pas un linteau n'importe comment non plus. Mais en fonction de ce que c'est, quand c'est par exemple des cloisons en briques, ça va tout seul. Mais il y a des espèces de grosses pointes qu'on peut retrouver de temps en temps à l'intérieur. Et là, par contre, on peut vraiment se faire mal aussi. Donc, faut faire un petit peu attention, faut vérifier avant. Là, je vous le dis, c'est une structure en bois et je vais récupérer les poutres et il y a du torchis entre temps, donc il faudra détruire le torchis parce que et récupérer les poutres sans que la maison s'effondre. C'est un défi aussi. C'est mieux. Vaut mieux éviter du porteur. C'est porteur, alors justement, il va falloir faire avec ça. On va y aller à la disque, ça sera mieux. Non, mais on verra. Jolly Way. Avec Artegon qu'on écoute maintenant sur Indestar et puis après le journal du chantier où on va parler justement abattement de murs, maçonnerie, cloison, tout ça. I'm sorry. Comment ça, c'est comme ça qu'on apprend? Et ça fait 15 heures, je suis sur le plafond là. Vas-y, éteins la lumière, tu vas voir, il est nickel mon plafond. Le chantier, c'est ce soir sur Indestar. Ah, ça, c'est quand il y a l'inspecteur des travaux presque finis qui vient te voir et dit ah, attends, il y a un petit défaut là-haut, alors que toi, t'as passé ta journée dessus. Bref. C'est, je raconte ma vie. Merci d'avoir choisi Indestar ce soir. Nous sommes mercredi et une fois par mois, vous avez rendez-vous avec cette émission qui est le chantier où on parle rénovation de maison, on parle travaux, voilà, avec des gens qui connaissent pas forcément grand-chose, mais on essaye de se renseigner. Et personnellement, j'ai une maison qui pour l'instant n'est pas encore à proprement parler une maison. Il y a des courants d'air. Hein. Il y a des courants d'air, ouais, c'est vrai qu'il y a des courants d'air. C'est important de bien aérer. Ah bah là, il y a la VMC, je veux dire, elle est triple flux. Là. T'as pas besoin de mettre la VMC. Quand c'est bien aéré, il y a pas besoin de VMC. Hein. Exactement. Et là, donc, ce soir, on parle des murs porteurs, justement, enfin du gros œuvre. On va détailler un petit peu. Alors, sachant que, en termes de timing, là, on fait quelque part cette émission un tout petit peu trop tôt, puisque j'ai le charpentier qui vient à mi-mars. Enlever une partie, la toiture et puis une partie de la charpente, et le maçon qui va intervenir fin mars, début avril pour reconstruire deux murs porteurs de la maison. Donc, j'aurai pas la finalité, mais de toute façon, on en parlera dans les prochaines émissions, la finalité du gros œuvre, mais on va pouvoir en parler quand même ce soir, n'est-ce pas, Ange? Oui. Oui, mais j'ai plein de questions à te poser d'ailleurs. Ah bah j'ai déjà la réponse pour la première, mais bon, c'est. J'ai quand même la poser. Ouais, c'est gentil. Alors, je vais te demander. Comment tu as déterminé quel était le mur à faire ou à refaire? Alors je me doute bien la réponse. Hein. Bah oui, en visitant déjà la maison. Non mais c'est intéressant dans le sens où t'as pas quand t'es un petit bricoleur comme moi, donc t'as pas l'habitude de faire des murs porteurs, tu vois, de savoir quels sont réellement les éléments à faire ou à refaire, c'est pas forcément une évidence. Alors là c'était un peu une évidence dans le sens. S'il y a un trou dedans, c'est une évidence. Là il y avait un gros trou et en plus le mur est pas droit. Si tu veux, il s'en va du côté où la maison penche. Donc c'était un petit peu évident, mais disons que après ça, j'ai quand même demandé à des pros du bâtiment pour avoir un avis là-dessus. J'ai même fait plus que ça, c'est-à-dire que la première étape, c'est j'ai visité, je me suis dit, ok, là, je pense qu'il faut refaire tel ou tel mur. Deuxième étape, j'ai fait venir une personne qui travaillait dans le bâtiment avant d'acheter la maison pour qu'elle me donne son avis. Et après, j'ai fait intervenir les entrepreneurs pour qu'ils me chiffrent un petit peu tout ça et puis que je vois réellement combien ça va me coûter. Voilà, les trois étapes, on va dire. D'accord. Moi, j'ai une question. Ta structure principale, elle était en pierre et tu parlais tout à l'heure un peu de bois, de torchis, mais la structure principale, elle est en quoi? Alors, ma maison a été réalisée en plusieurs étapes. Donc, y a la partie la plus ancienne est faite en structure bois et torchis, donc vraiment à l'ancienne. Ensuite, il y a une partie brique et la dernière partie réalisée, elle est en parpaing. Donc la partie parpaing, j'y touche pas. La partie brique non plus. Mais par contre, la partie bois et torchis, c'est là où il y a besoin de refaire des choses. Forcément, quand t'as des excroissances comme ça, des agrandissements, t'as forcément plein de matériaux différents en fonction des périodes. C'est ça. Oui, je pense que la maison doit dater du 17 ou du 18e siècle, la première partie. Et puis après, il y a des parties qui ont été faites au 19e et puis au 20e, voire 21e. Je sais pas la dernière partie, quand est-ce qu'elle a été refaite exactement. Mais voilà, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Quoi. Et qu'est-ce que t'entends par torchis? Torchis, c'est un mélange de paille, d'eau et de terre. Et de chaud, okay. Ouais. Okay. Enfin là c'est froid, mais oui. À UX. Oui. Et du coup, t'avais tous tes murs à refaire ou y en a tu as renforcé? Non, heureusement, j'avais. Sur les 4, il y en avait au moins 2 qui tenaient. Donc c'est cool. Non, j'en ai un qui est à refaire totalement et un pignon en partie. Par contre, à renforcer, c'est sur la petite dépendance que j'ai à côté où là j'ai une grosse fissure de 5 cm. Où là je vais devoir mettre. J'ai plus le mot en tête, mais Noémie, tu vas m'aider là. Des chaînons. Des chaînons. C'est le chaînon manquant justement qui est entre des les chaînons pour rapprocher les murs pour pas que les murs s'en aillent quoi finalement hein. Ouais. Et du coup, si tu vas refaire faire des murs, est-ce que tu dois demander un permis de construire ? Alors, pour refaire des murs, quand tu n'agrandis pas la maison, tu ne demandes pas un permis de construire, tu demandes une autorisation, une déclaration préalable de travaux. Donc voilà, pour faire des ouvertures, pour si tu ne changes rien... Tu ne changes pas la superficie, parce que alors, c'est des questions pas de la superficie, voilà. Pas la superficie, et si tu ne changes pas les ouvertures, tu peux faire ça comme ça. Mais c'est toujours mieux de demander quand même une déclaration préalable. Et puis souvent, tu vas rajouter des ouvertures ou tu vas faire des choses un petit peu différemment. Donc tu demandes une déclaration préalable qui a un délai d'un mois pour obtenir l'autorisation ou que ça soit retoqué. Tu demandes une autorisation de faire des travaux chez toi ? Ouais. Ouais, toujours. Dans quel but ? Eh ben, dans le but que c'est la loi. Voilà. Et oui, on n'a pas le choix. Quand tu as grandi, c'est ça ? Non, alors attention, agrandissement, c'est permis de construire. Ouais. À partir du moment où tu déposes au sol, enfin, tu agrandis à partir de 20 mètres carrés, hein, quand même. Mais si tu agrandis de plus de 20 mètres carrés, c'est permis de construire obligatoire. Mais quand tu fais des travaux chez toi, qui se voit à l'extérieur et où tu changes l'aspect de ta maison, c'est déclaration préalable. Ok, d'accord. Oui. D'accord. Voilà. Mais alors, t'as des exemples précis ? Deux. Quand ça change chez toi ? Bah là, par exemple, la porte de la grange va devenir une baie vitrée. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, un exemple. Et puis sur le mur que je vais détruire, qui était un mur plein, il va y avoir une porte-fenêtre et une fenêtre. Voilà, donc ça demande une déclaration préalable. Ok. Et du coup, quand tu vas refaire tes murs, c'est quel matériau que tu vas utiliser ? Des matériaux écologiques, innovants ? Alors, pour ma part, non. Pour des raisons de assassin. Alors, pour des raisons de coût. En fait, le mur, enfin les deux murs que je vais faire ça en parpaing. Alors, on va parler tout à l'heure des différents matériaux, mais c'est vrai que le parpaing, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est un matériau très résistant, c'est pas cher, etc. Donc, c'est pour ça qu'on en voit autant. Après, je me suis renseigné quand même sur. Parce qu'il y a le côté bâti, hein, et après, il y a le côté isolation qu'on y met derrière. Il y a des matériaux, dont un matériau que j'aurais bien employé, qui est de la brique, j'ai plus le nom exact, mais qui est de la brique isolée, qui est super. Parce que en fait dans tes 30 cm de mur t'as déjà toute l'isolation de ta maison. Sauf que quand tu regardes les prix, en fait tu t'aperçois que c'est bien plus cher que d'avoir un mur en parpaing plus une bonne isolation derrière. Donc celui qui veut absolument ne pas perdre de place dans sa maison et qui a le budget pour, c'est plutôt une bonne solution. Mais moi dans mon cas j'ai pas un budget limité, donc je pars sur du parpaing que je vais habiller à l'extérieur pour avoir un certain cachet, et puis à l'intérieur je vais bien isoler parce que je pense que l'isolation aujourd'hui est quelque chose d'indispensable, quoi. Voilà. D'accord. Tu as fait un plan de ta maison ? Oui, j'ai fait un plan de ma maison, plan en 3D. le fait que tu dois refaire tes murs, est-ce que ça a changé tes plans ? Ça n'a pas changé mes plans, et dans l'agencement très peu, parce qu'en fait je suis parti moi sur un habitat un petit peu type loft, c'est-à-dire une pièce principale et puis une chambre en mezzanine, etc. Ça sera pas très grand, ça fera à peu près 50 mètres carrés. C'est ouvert, ouais. Et en fait, la seule chose que j'ai changé, c'est j'ai un tout petit peu agrandi l'espace qui sera la salle à manger de 30 cm pour faire une bibliothèque intégrée derrière les poutres en bois. En fait, voilà. Et du coup, ça a pris un petit peu sur la surface qui sera l'atelier. Donc voilà, c'est le seul agencement, enfin, qui change un peu l'agencement de la maison telle qu'elle était. Mais pour un agencement, tu dois faire appel à un professionnel ou tu peux faire ça tout seul ? Tu peux faire ça tout seul. D'accord. Et aujourd'hui, on a des outils. Enfin, tu vois, moi, j'ai un outil que vous pouvez utiliser à la maison, hein, qui s'appelle Cozy Casa. Je ne fais pas de pub pour ça parce qu'il y en a plusieurs en ligne, mais je le trouve vraiment pas mal. Où tu réalises ton plan 3D. Ok. Et tu peux vraiment intégrer les dimensions des murs, des fenêtres, etc., mais aussi de l'aménagement. Et ce qui te permet, tu vois, moi, ça fait. J'ai acheté ma maison en août. Là, on est au mois de février. J'ai pu bosser sur ce plan-là et l'affiner au fur et à mesure du temps. Okay. Et ça me permet vraiment de me situer dans mon environnement et peut-être d'éviter un certain nombre d'erreurs que tu peux avoir, tu sais, quand tu fais construire neuf ou peu importe, mais où tu te retrouves dans ta maison, dans le concret, et tu dis ah merde, en fait finalement j'aurais peut-être fait ça différemment, là j'ai pas assez de place pour passer, etc. Là déjà t'as une bonne vision de ce que tu vas avoir au final. Je dis pas que tu peux pas te remettre en question après puis te dire tiens j'aurais bien fait comme ça, mais voilà, déjà ça t'avance un peu, quoi. Okay. Le mur, tu vas pas le monter tout seul ? Non, bah non. Tu veux faire appel à un artisan ? Ouais. Ouais. Alors, comment tu l'as choisi ? Comment tu choisis ton artisan du coup ? Je pense pas que j'ai forcément utilisé la bonne méthode. Pour ça, je vous conseille de faire plusieurs devis et de bien comparer les prestations, les prix, etc. Parce qu'il peut y avoir un prix plus important, mais des prestations différentes. Donc, faut bien faire attention à ça. Faut bien faire attention aussi d'avoir une garantie décennale, le sérieux de l'artisan, etc. Moi, j'avoue que là où je suis, j'avais un pépi un peu reculé. Donc, j'ai fait appel à des artisans locaux. J'ai fait appel à un charpentier que j'ai eu par une connaissance et qui, lui, m'a parlé du maçon avec qui il travaille régulièrement. C'est du bouche à oreille. Etc. C'est du bouche à oreille. Mais tu as plutôt intérêt, effectivement, à travailler avec des artisans qui peuvent en conseiller d'autres parce que c'est qu'ils s'entendent aussi pour le travail. Exactement. Et souvent, comme les corps de métier, on passe tous les uns après les autres. C'est ça. Si on arrive après un corps de métier qui a monté des murs, qu'il faut monter une charpente et que les murs sont pas assez costauds ou qu'il n'y a pas les emplacements pour pouvoir faire les scellements, tu t'aperçois qu'il y a des manquements et toi, tu es obligé de revenir sur le travail du précédent. C'est ça. Et en fait, on peut pas avancer correctement pour le travail et ça fait des suppléments pour le client. Donc il faut aussi trouver effectivement par le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen pour moi de trouver des artisans qui peuvent correspondre à tes projets. Ouais, tout à fait. Là en fait le charpentier va démonter une partie de la charpente et le maçon il m'a dit moi je vais venir voir à ce moment là et ils se connaissent donc ils vont parler qu'est-ce que je fais, à quel moment, etc. Même en termes d'emploi du temps, de timing, faut pas se marcher dessus, faut pas. Donc bon, je pense que normalement ça devrait le faire, mais on en reparlera d'ici un ou deux. On va voir si effectivement dans les faits c'est fait comme je voulais. Bon, après les prix étaient très raisonnables, donc oui. T'as mis quel budget à peu près du coup? J'étais assez étonné, je pense pas forcément que ça corresponde à la moyenne du marché, mais sur alors c'est difficile de se faire un avis comme ça, mais sur l'ensemble des deux murs plus une réfection, allez, on va dire à peu près de 50% de la charpente, démontage du toit, remontage du toit et une lucarne que je rajoute, on est sur un budget à peu près de 20 000 euros. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt dans la moyenne basse de ce qui se fait. Peut-être c'est que, les prix. C'est les prix. Ah bon, d'accord. Bon, okay. Ah, okay. Kylian, il m'a fait un devis. Donc, alors, Kylian, il a son BSR, je vous rappelle. Donc, il a la réponse à tout. C'est un professionnel. Voilà. Non, c'est juste que j'ai un contact qui est maçon. C'est pour ça. Il a fait la charpente aussi, tu vois. Non, justement, il travaille aussi avec des charpentiers. Ouais. Ouais. Et du coup. Parce que là, pour les murs, je suis à 5000 euros à peu près. En comptant la réfection de la cheminée. Donc j'ai pas trouvé ça excessif, loin de là. Mais c'est à peu près les prix. C'est un peu moins cher que la moyenne, mais c'est à peu près les prix. Ok. Bon. Moi, ma première question, ce serait quand même de me dire, enfin, si je devais faire tout ce que tu fais, c'est de me dire comment me rendre compte. Tu sais, quand t'as aucune idée en termes de prix, même au-delà de ça, bon, tu fais plusieurs devis, ça me serait venu à la. Mais comment tu peux te fier à un professionnel? Il y a toujours une part de hasard. De chance, de flou. Je pense même en prenant tous les. Enfin, toutes les. Garanties. En parant à tous les risques et en prenant toutes les garanties que tu peux avoir, je pense que de toute façon, à partir du moment où tu fais confiance à une autre personne que toi-même, tu es dépendant de ces délais, tu es dépendant aussi de l'évolution du prix des matériaux, parce que voilà, des fois, en quelques mois, il se passe des choses. La qualité de son travail, tu peux jamais avoir de garantie. C'est-à-dire, quelqu'un qui a construit une maison, quelqu'un va te le conseiller, dire ma maison, elle est super bien faite, etc. Si ça se trouve, le mec, entre-temps, je sais pas, il a fait une dépression, il a fait n'importe quoi, tu vois, ta maison, elle va peut-être pas être aussi bien réalisée que ce qui s'est fait avant. Malheureusement, c'est humainement parlant, tu peux pas faire grand chose, si ce n'est d'avoir les garanties légales derrière qui te permettent à la limite de te retourner contre la personne, mais bon, c'est toujours chiant quoi. Ouais, après, il y a sûr. Quelques astuces, effectivement, par le bouche à oreille, déjà t'es un peu mieux conseillé. Et puis, quand tu commences à avoir des artisans qui te font des ristournes de 1000 euros sur un devis, c'est qu'ils ont pris 2000 euros de plus pour pouvoir te faire une ristourne de 1000 balles. Donc, tu vois, t'as aussi ce genre de truc. Moi, j'ai vu un devis d'un artisan, je suis partie en déplacement dans la Manche et en Bretagne. Le gars chez qui on intervenait nous a demandé, nous, de lui faire un devis pour poser un volet. Et une porte de garage. Donc nous, comme on les fabrique pas, on a fait une demande de prix, etc. La porte de garage, elle est à 2000 euros. Avec la pose maximum, on monte à 3000, 4000 grand maximum. Là, le gars, il avait un devis à 7000 euros. Ah ouais. Et il s'est dit, c'est peut-être un peu cher. Oui. Mec, oui, parce que le gars s'est pris 4000 euros de marge, plus sa com. Ouais. Donc là, voilà, faut en fait pouvoir faire plein de personnes différentes pour pouvoir comparer. Et quand tu commences à avoir quelqu'un qui dit, je peux te faire une ristourne de 900 balles. Il y a des éléments comme ça qui font que Oui, puis s'assurer qu'il y a la, les assurances, la responsabilité civile professionnelle. Et puis la, ah oui, parce que s'il arrive quelque chose et puis qu'il n'est pas assuré, ça veut dire qu'il est. Et voilà, si je peux avoir un conseil là-dessus, c'est que tu as parlé de quelqu'un effectivement qui commence, enfin qui fait pas mal de choses différentes. Quand vous avez fait le micro-trottoir aussi, il y a un gars qui disait bah, moi je suis chauffagiste et du coup j'ai appris à faire du carrelage. Un plombier pour moi ne peut pas faire du placo, c'est pas la même chose. Après, quelqu'un peut avoir de multiples capacités. On peut avoir multiples capacités, mais quand on commence à avoir sur un chantier un gars qui sait faire l'élec, la plomberie, le carrelage, machin, bah, en fait il est pas spécialiste. Il peut pas être spécialiste. Non. Il peut être en renfort, mais il peut pas. Il peut faire du dépannage éventuellement. Mais surtout, en plus que ça, il y a les histoires d'assurance de premier, deuxième et troisième œuvre. Et en fait, ben. Quand on fait du deuxième œuvre, on ne peut pas faire du premier œuvre. On n'est pas couvert pour faire de la charpente, on n'est pas couvert pour faire de la maçonnerie. Par contre, on peut être couvert pour faire éventuellement soit du carrelage, soit de la finition avec de la peinture. Mais il y a aussi ces histoires d'assurance où auquel cas, bah, si le gars il a une malfaçon, on n'est pas couvert. Quoi. Alors tu peux préciser juste premiers œuvres Alors la première œuvre, c'est la gros œuvre en fait. C'est vraiment, il se passe rien et là il y a des murs, il y a un toit. C'est vraiment la structure principale. Le deuxième œuvre, ça va être la pose de menuiserie. Donc ça va être la mise hors eau, par exemple, ça va être ça. Donc ça va être le carrelage, ça va être ça. Et vraiment, le troisième œuvre, c'est les finitions. Donc c'est les peintures. Voilà. Donc c'est vraiment différentes étapes du chantier. Et du coup, c'est vraiment très strict par rapport aux assurances pour l'encadrement de tout ça. Et c'est là que tu peux te mettre, toi, en tant que particulier qui se lance dans des travaux, etc., de dire, bon, allez, ok, le second œuvre, je vais le faire. La finition, je vais la faire. Par contre, peut-être que le gros œuvre, je vais le faire parce que ça me dépasse et parce que si la structure de la maison elle s'effondre au bout de 5 ans, tu perds tout quoi. Tout ce que t'as fait, ta peinture, elle sert plus à rien. Quoi. Les boules, quoi. Ah bah il y en a qui doivent effectivement faire des chantiers comme ça, se lancer et puis. Pas donner un bon résultat. Ouais, c'est ça. Ou alors sur le moment, c'est joli, mais bon après, on va voir ce que ça donne sur le long terme. T'as des bons plans du coup pour rénover tes murs? Alors bon plan, moi si j'ai un petit conseil à donner que j'ai appliqué là, que je vais faire appliquer, c'est je vous avais raconté le premier achat que j'avais voulu faire et qui s'était pas concrétisé, j'avais une fenêtre à changer. Et en fait une fenêtre à changer quand tu as des dimensions qui sont imposées, c'est hyper cher. Tu me contredis pas, Noémie? En fait, t'as pas de taille standard. Non, t'as pas de taille standard. Ça existe plus. Voilà. Donc, forcément, c'est du sur mesure. Oui, mais toutes les menuiseries sont sur mesure. Oui, mais alors, justement, je vais venir à ça. Sauf quand on fait du neuf. Mais auquel cas. Sauf que là, justement, avant de faire mon mur. J'ai acheté les menuiseries. Ah, mais c'est ce que tu disais, t'avais expliqué ça, que t'avais fait ton mur en fonction des dimensions des menuiseries. Donc, et ça, on peut travailler à l'envers, c'est pas un problème. C'est ça, donc travailler à l'envers, ça te permet d'économiser beaucoup d'argent, puisque en fait, t'achètes tes menuiseries en déstockage, etc. Et après, tu demandes au maçon de te façonner les murs de cette façon-là. Donc voilà, ça, c'est le petit tip peut-être pour pour les murs, pour gagner un petit peu d'argent dessus. Après, voilà, je sais pas, sur les matériaux, il y a du débat, parce que ça dépend de cachet. Moi, j'aurais bien fait, à la place des murs qui étaient faits là, j'aurais bien laissé le colombage et en fait, remis des petites briques entre temps. Ça, c'est super joli, mais c'est super cher. Donc, j'ai abandonné cette idée. Ça sera peut-être pour du parement plus tard, on verra bien. Moi, j'ai une question peut-être un peu bête, mais pourquoi ils font pas de fenêtres en taille standard, du coup? Ça n'existe plus, les tailles standards. Parce qu'on a... En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises sont taxées sur les stocks. Et c'est vraiment de grosses taxes, donc les entreprises font de moins en moins de stocks. Donc le problème aussi, c'est que la loi s'applique que ce soit une entreprise de 10 000 salariés ou que ce soit une entreprise de 3 salariés. C'est pas les mêmes avantages, c'est pas les mêmes dépenses, c'est pas les mêmes entrées d'argent. Donc un petit artisan ne peut pas faire de stock comme une grosse boîte pourrait le faire, parce qu'il est autant imposé que les grosses boîtes, avec beaucoup moins de moyens. Et auquel cas, nous, comme en général en pose de menuiserie, t'as ceux qui sont spécialisés dans le neuf et d'autres qui seront peut-être plus spécialisés en réno. Mais en fait, des mesures standards, ça n'existe pas tant que ça. Tu peux vraiment en général demander du sur-mesure. Pour les portes, c'est standardisé, parce qu'il y a le 73, le 83, le 93 en hauteur, pareil. Après, nous, on les coupe en bas plus ou moins en fonction, c'est rarement standardisé. Donc, en général, c'est plutôt les portails et les portes qui sont standardisées. Oui, donc contrairement à ce qu'on pense, les fenêtres ne sont pas standardisées. Pas forcément. Ça va être plus après la hauteur pour. C'est des questions de hauteur, c'est des questions de largeur où on va se trouver dans une fourchette, mais on va pas forcément se trouver sur une taille. C'est que comme ça. Parce que chaque boîte en fait va avoir ses normes et ses standards. Ok, très bien. Ce que je vous propose, c'est d'écouter une reprise de Sia avec le titre qui passe en ce moment à fond à la radio, Gimme Love, de Sarah H, donc en version française cette fois-ci. Et puis après, on a la caisse à outils où on vous parlait des matériaux, on fera un petit peu un comparatif de des matériaux qui existent, les principaux en tous les cas, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout leur prix. Tu ne veux pas danser avec moi, j'en ai tellement besoin. Juste pour cette fois, allez, prends-moi la main. Tu ne veux pas chanter avec moi, pour cette fois je t'en prie. Je veux entendre ta voix, mon chéri. Je mesure 30 cm, je vérifie, je coupe 30 cm et là il y a 32. Il y a encore du taf. Suivez les aventures du chantier sur Indestar. Sur le chantier, on travaille sans arrêt. Le marteau cogne, les outils font du balai. On construit des maisons, des immeubles et des ponts. Avec du béton et des briques, on fait des monts. Ouais, on va commencer par faire les bases. Bienvenue sur Indestar et bienvenue dans le chantier. Le mercredi soir, une fois par mois, c'est le dernier mercredi du mois. Vous pouvez noter ça sur votre agenda pour penser à écouter le chantier. Et si vous avez loupé parce que c'était la semaine dernière et parce que vous avez fait une erreur d'emploi du temps, eh bien, il y a toujours les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Cette fois-ci, on peut le dire parce que c'est vrai que la dernière fois, on a lancé l'émission. Il faut toujours un petit temps avant que ça soit disponible partout. Là, ça y est, c'est partout. Vous allez sur Spotify, sur Facebook, vous allez sur Deezer, sur Facebook, vous avez le lien sur le Twitch parce qu'on est, on l'a pas dit, mais on est aussi en vidéo. Si vous avez envie de suivre cette émission en vidéo, bon, il y a juste à avoir, vous verrez rien. Il faut fermer les yeux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On a des personnalités radiophoniques, quoi. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez la possibilité de nous regarder sur Twitch si vous voulez. Faut pas faire ça. Faut pas le faire, non. En tous les cas, ce soir, on parle gros œuvres et on va aborder les différents matériaux qui existent. On va commencer par du classique de chez Classique. Lisa, t'avais le parpaing, toi. Le parpaing. Ouais, alors non, mais moi j'ai un peu mélangé les deux en fait. Je vais vous parler de la brique et du parpaing. D'accord, fait. Ok. C'était comment choisir, que faut-il regarder, ausculter, à quoi faut-il réfléchir pour faire son choix. Ah oui, moi je suis pas rentré dans ces détails là, mais. Ah bah si, moi je suis sûre rentrée. quelqu'un qui a fait des recherches scientifiques sur les matériaux et qui a travaillé correctement sur ce sujet. Ça m'a pris trois heures au moins. D'accord, ok. Et donc, bah, quels sont les critères? Bah, par exemple, on va regarder les méthodes de fabrication, le bilan carbone, les propriétés de chaque produit, le prix des fournitures, bien sûr. Ouais. Pour quelle structure de la maison, l'ossature, par exemple, ou autre chose. C'est résistant. L'aspect esthétique, l'isolation thermique, oui, la résistance, etc. Et autre critère aussi, ça c'est vrai que je l'aurais pas mis si je l'avais pas vu, lu, le climat d'habitation de votre région. Ah oui, alors ah, par exemple, imagine, on est en Touraine, est-ce qu'il vaut mieux une maison brique ou une maison en parpaing? Voilà, bah je ne sais pas. Ah bah d'accord. Je pensais que t'allais répondre à la question. Ok. T'as les critères. J'ai pas poussé jusqu'à. D'accord. Tu connais pas où t'habites. Je ne connais pas assez la région. Okay. J'ai pas poussé jusque là, mais on pourrait y réfléchir. Ouais, ouais. Et parmi les avantages inconvénients de chaque matériau, tu les as ou pas forcément? Oui, alors par exemple, donc il y a chacun ses avantages. Mmh. T'as l'aspect économique pour le bloc béton, comme tu disais, toi pour le parpaing. Le parpaing, oui. Et t'as l'isolation thermique pour la brique. Ouais. Mmh. Alors déjà, donc faut regarder son budget, hein, ça c'est très important. Et donc là, comme on a dit aussi, la résistance aux intempéries, la solidité, etc., la mise en œuvre aussi. Moi, sur le prix moyen, j'avais 20 à 50 euros au mètre carré. Alors, c'est peut-être des chiffres qui datent un petit peu, mais... Non, pour les je crois que j'avais à peu près la même chose. Alors, moi, j'avais de 25 à 30 euros du mètre carré pour les blocs pleins ou perforés. Tu vois. D'accord, ok. Oui. Ouais, bah oui, parce que tu as les parpaings pleins que tu vas plutôt utiliser, notamment dans les sous-sols ou des faux coins du mur. Et puis, des parpaings perforés pour le reste de la maison. Et de 40 à 100 pour la brique. Moi, j'avais plutôt de 75 à 150 pour le mètre carré. Ah ouais, toi, c'est de la brique haut de gamme, toi. Ouais. Bah, écoute, c'est ce que j'ai trouvé. Okay. Bon, après, les prix diffèrent selon... Ouais. Mais ce qu'il faut retenir, quand même, c'est que la brique est moyenne, un peu plus chère que le parpaing. Oui, plus cher, Par contre, c'est vrai que c'est plus joli. C'est-à-dire que tu peux laisser la brique, moi, là, comme sur une partie de mon mur, à nu. Alors que sinon, il faut quand même compter, on va dire, le crépi que tu vas mettre ou un bardage. C'est sûr que le parpaing nu, comme c'est pas très beau. C'est toujours un habillage sur du parpaing. Alors que c'est vrai que la brique, en fonction de l'enduit que tu peux utiliser, ça peut faire quelque chose de très joli. Puis tu peux faire des formes, tu peux faire quelque chose d'assez sympa. Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que par rapport au parpaing, tu as une meilleure protection par rapport à, je sais pas, la température Alors, il me semble que j'avais lu que la brique était l'isolation, plus résistante. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? Donc, le parpaing a un côté plus terreux, organique. Attends, plus naturel. Parce que je trouve pas. Parce que le parpaing, c'est un peu froid. Le parpaing, il a une résistance élevée au feu. Il est incombustible, par exemple. Ok. Et la brique aussi, non? Mais la brique, elle résiste très bien à l'humidité plutôt. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pas la même chose. C'est un excellent isolant naturel. Nous, on a plus d'humidité. Parce que le parpaing, niveau isolation. Ah non, c'est zéro. C'est froid. Hormis qu'il soit incombustible, c'est pour être résistant, je pense pas. Bon, bah au moins, si ta maison a crame, il reste les parpaings. Oui, bah voilà, il reste la structure, c'est bien. Et les blocs béton, donc, sont plus efficaces contre le gel et le vent aussi. Bah très bien, on y pensera quand ça gèlera. Tu vois. Je gratterai ma voiture avec. Bah écoute, tu peux essayer, mais je suis pas sûre que ça laisse pas de trace. Si je gratte bien fort, il y a plus de pare-brise. Si tu balances dessus sur la voiture, comme ça il y a plus de gel sur le pare-brise. Mais après, il faut appeler Carglass, c'est sûr. Bah là, c'est pas Carglass. Mais ils offrent des essuie-glaces. Ah, ça vaut le coup. Ce qui est très pratique quand t'as plus de pare-brise, tu remarqueras. Tout à fait. Moi j'avais le bois, sinon matériaux. Écolo, beau, bonne isolation. Ça brûle. Alors par contre, ça brûle. Oui, oui. C'est... Ouais. Et puis tu dois avoir quand même un certain entretien. Alors il y a des bois qui sont sans entretien, mais je crois. Tu sais qu'ils foncent au bout de 3 ans. Ça là. C'est le Douglas. Le Douglas, voilà. Le Douglas. Alors après, il y en a certains qui trouvent ça pas très très beau quand ça fonce. Au début, c'est joli. Ouais, puis t'as des traitements qui existent, mais ça dure vraiment pas longtemps. Donc en fait, ça sert pas à grand chose. Autant les peindre. Ou l'azurer. Bah oui, mais alors par contre, qui dit peindre dit il faut l'entretenir quoi. Ça travaille aussi le bois un peu. Ah, ça travaille, oui. Oui. Contrairement à moi. Ça travaille, mais effectivement, contrairement à toi. Mais après, les bois, faut faire attention aux infiltrations et notamment, faut toujours que ce soit légèrement surélevé par rapport au sol. Faut pas du tout que ce soit en contact avec le sol. Bah, sinon, l'humidité remonte dedans. Alors, pardon, excuse-moi, Noémie. Mais je t'en prie. Non, je voulais pas te prendre la parole. Non, j'ai vu par pur hasard, ça me permet de le placer, que le cèdre, c'était un bois qui était très apprécié pour la construction et que il avait une résistance naturelle, et notamment par rapport à la pourriture, aux insectes et tout. C'est infiltrescible aussi le cèdre. Ouais. Comme, je sais plus si c'est l'épicéa. Si, l'épicéa. J'ai vu le séquoia et le cyprès. Le cyprès. Cyprès. qui sont apparemment très utilisés. Voilà. Enfin, j'ai pas cité le pain. J'ai pas cité le pain. Ouais. Non. Le pain, il est pas très résistant. Bah en fait, il est utilisé parce qu'il est abondant. Ouais, et puis pas cher. Mais ouais. Peu coûteux. Et en fait, c'est ce que tu vas utiliser en ossature derrière les bardages, surtout parce que tu peux en faire même un peu en charpente, tu peux faire des chevrons, tu peux faire des solives, mais en vraiment en structure mure, tu vas pas vraiment l'utiliser à moins qu'il soit de catégorie 2, catégorie 3, donc des traitements qui évitent, qui pourrissent. OK. Ça c'est les traitements quand ils sont jaunes, c'est catégorie 2, c'est pour les charpentes. Catégorie 3, c'est quand on commence à faire des terrasses, ça fait vert sur le bois. Donc c'est vraiment des traitements, même des fois anti-feu, mais pas ralentir grand chose. Petite question pour une construction en bois. Je m'écarte peut-être. Non, mais vas-y. Non, mais pour une construction en bois, ça peut durer combien de temps au final? Si tu l'entretiens pas, tu veux dire? Non, mais avec un entretien. Avec un entretien, c'est incroyable. Tout dépend du bois et tout dépend du traitement. Là, par exemple, j'ai vu malheureusement du bois qui était en extérieur, c'était du chêne. Donc, avec les tanins qui sortent. Et en fait, ça va protéger naturellement ton bois qui va travailler, qui va fendre, mais qui va rester, qui va être bien. Du moment que tu enfermes ton bois et que du coup, tu as de l'humidité qui rentre, éventuellement des bestioles. Et pire que ça, si tu l'enfermes, tu le mets sous du zinc et que sous le zinc, il brûle parce qu'il est plein sud. Ah bah là c'est la porte ouverte, ton bois il pourrit en moins de 2. Donc le bois vraiment faut qu'il respire et faut qu'il y ait une évacuation d'eau. S'il y a de l'eau qui rentre, il faut absolument qu'elle puisse sortir et au maximum éviter le contact avec l'humidité. D'accord. Mais un bois bien entretenu, une structure bois bien entretenue et qui ne prend pas l'humidité, sur plusieurs centaines d'années, ça peut tenir. Ça peut être très résistant, mais il faut que ça soit protégé. Il faut que ce soit protégé. Ouais. Mais du coup, c'est un peu plus cher du coup le bois. Le bois, on est à 100 à 150 euros le mètre carré, moi, ce que j'ai en chiffres. J'avais aussi le béton cellulaire. Alors c'est le format parpaing aussi. C'est léger, bonne isolation thermique parce qu'il y a des petites bulles d'air à l'intérieur. Donc voilà, c'est assez écologique parce que c'est avec de l'eau, du sable et de la chaux. Par contre, c'est un peu moins résistant aux charges lourdes et c'est sensible à l'humidité. Et je suis entre 50 et 70 euros le mètre carré, donc ça coûte pas cher. Moyenne, voilà. Ouais. Sinon, on a la pierre. Alors la pierre, voilà, ancestrale. Hein, c'est beau, c'est durable, c'est résistant au feu. Par contre, il faut trouver la main-d'œuvre spécialisée pour monter un mur en pierre et du coup, ça revient assez cher. Ah, puis le prix, ouais. Bah oui, parce que je suis à 150 à 250 euros le mètre carré, mais sans compter la main-d'œuvre spécialisée, quoi. Ah, donc on est sur des budgets plus important et puis encore plus cher. Alors j'ai l'acier, vous savez, en feu les maisons phénix, hein, mais y en a d'autres, qui est très résistant, qui est durable, qui est recyclable, donc finalement est assez écologique. Par contre c'est cher, et puis surtout c'est ça a chaud, une c'est une mauvaise isolation thermique, oui, puisque le fer ça laisse passer le froid, hein, en été c'est chaud et en acier, je vois mal comment... Bah, okay. Par exemple les maisons phénix qui pendant très longtemps qu'ont existé, hein, qui n'existe plus depuis 2-3 ans, la structure en fait est en acier et après on va ajouter des panneaux de béton préfabriqués dessus. D'accord. Mais ce qui tient la maison c'est une structure acier. Et ah, ça, voilà, par exemple, je peux prendre comme exemple les buildings qu'il y a aux États-Unis. Oui, les buildings sont faits en acier. Bien sûr, ouais. Donc en fait ça veut dire que ta maison elle est posée en 2 secondes quoi. Elle est assez rapidement montée. Parce que tu assembles et. Ouais, c'est ça. Ça c'est les structures qui ont été inventées à l'époque moderne dans les années 20-30, notamment aux États-Unis, et ça fait partie des 5 principes du Corbusier, donc notamment d'avoir une structure où tu peux retirer les murs parce que t'es en structure où c'est juste des poteaux et de l'acier. En autoporteuse pas vraiment, mais c'est que c'est tout ouvert et que tu peux arranger totalement comme tu veux l'espace parce que t'as des poteaux et de la structure acier en extérieur, et donc t'as aucun mur qui est porteur, t'as que des cloisons, en général béton armé, etc. Ouais. Alors, c'est pour armé, ça que tu peux avoir de très bons espaces, de très très grands espaces, donc ce qui a donné les buildings, qu'on a pu faire des élévations. Et c'est solide du coup parce que c'est très solide. Tu vois bien les buildings à l'heure d'aujourd'hui comment ils tiennent. Ceux-là et ceux qui ont été construits dans les années 20-30 qui sont encore debout. L'Empire Building, tu vois. Tout fin, tu sais, il y a un coup de vent, ça. Ah non, du tout. Pourquoi ils ont arrêté du coup de les faire ces maisons Là, je parlais des maisons phénix, c'est parce que la boîte a coulé. Mais le principe existe toujours, évidemment. C'est parce que c'était le leader français de la maison de la construction et que voilà. Mais non, le principe existe toujours. Au niveau Phoenix, c'était pas la boîte, une boîte d'assurance justement avec des fonderies. Ça devait être autre chose, ça. Peut-être. Voilà. Par contre, du coup, tu as parlé du béton armé qui va très bien avec avec la structure de béton armé. Ce qui est chouette, c'est que tu peux faire des structures un petit peu comme tu veux. Tu peux faire des choses en suspension, etc. Parce que tu as une armature, on parle encore de fer à l'intérieur, hein, mais tu as une armature et du béton autour. Donc le béton armé, c'est très résistant. Par contre, c'est lourd et puis ça nécessite le fameux coffrage avec la grille à l'intérieur. Et puis des quantités de sable et puis l'écologie. Et puis les océans. Assassin ! Là, effectivement, l'écologie. Mais attends, j'ai d'autres choses. Tu ne nous as pas parlé du prix de l'acier, au fait, du coup. De l'acier, on était à 200 à 300 euros. C'était plus cher. Du coup, c'est plus cher. C'est plus cher. Le béton armé, on est à 100 à 200 euros. Et tu veux quelque chose de naturel, j'ai le chanvre. C'est la plante de cannabis, hein, finalement. C'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. De quoi ? Oui. Bon, le mâle et la femelle. Ouais, c'est, t'es bien renseigné, Noélie. J'ai fait un peu de tissage au chanvre. Où là, c'est écologique. T'as une bonne isolation thermique et acoustique. Ça régule bien l'humidité. Par contre, c'est cher et puis c'est peu répandu. On est à 90 à 120 euros le mètre carré. Donc voilà, on est un peu plus cher. Le bloc de verre, alors ça, je l'ai mis quand même. Mais bon, le bloc de verre, on va pas faire toute sa maison en verre non plus. Surtout que c'est quand même relativement cher. Et puis on nous voit à travers, c'est bizarre. Il y a des architectes qui le font. Hein. Oui, non, mais pour certains bâtiments. Mais peut-être pas pour la maison. C'est ça, quelle forme ? Je crois que j'en ai jamais vu de ça. Bloc de verre, tu vois Minecraft ? Ouais. c'est pareil. Mais après, tu peux mettre un truc pour éviter que les gens te voient et toi tu les vois, mais ils te voient pas. Ah bah tu mets de la peinture. C'est gênant, du coup tu les vois, t'as l'impression qu'ils te voient. Ah, tu veux dire les miroirs sentants ? Bah oui, tu peux mettre un truc. Tu peux. Mais ça a quel intérêt Non, mais c'est des raisons esthétiques. Souvent, tu peux, par exemple, dans une maison, tu vas avoir une partie de la structure en verre qui va maintenir ta maison parce que c'est du verre très solide, etc. Mais parce que tu veux un côté, des fois, tu peux mélanger l'ancien et le moderne. Enfin, tu peux te faire plaisir. Ça doit être chaud, par contre. Hein, après. En cas de canicule, tu dois te marrer. Oui, après, il faut la clim et c'est pas très écolo. Et dernier matériau, j'ai les panneaux CIP. Alors, les panneaux CIP, c'est les panneaux isolés structurels, les panneaux préfabriqués, préassemblés. Donc là, vraiment t'as ta maison qui est construite en pas longtemps puisque ils te font les panneaux en usine. En gros c'est des maisons en kit quoi. Ouais, c'est des maisons en kit. En fait ils font ta maison en usine, ils te la ramènent sur plateau, enfin sur le camion d'Angers et du coup ils te montent la structure et ta maison le gros œuvre est fini en un ou deux jours quoi. Comme un chalet. Comme un chalet, ouais, c'est des éléments que t'assembles. D'accord. Ouais, voilà. Et là, donc, t'as l'isolation d'incorporé, tu peux même avoir d'autres choses, même l'électricité d'incorporé, etc. Et ça, c'est isolé, c'est rapide à monter, c'est léger. Par contre, ça coûte entre 70 et 120 euros le mètre carré. Et puis, dans les inconvénients, t'as intérêt, là, pour le coup, à bien prévoir à l'avance ce que tu veux exactement. Parce qu'il ne s'agit pas de rajouter une fenêtre à la fin, tu vois. Est-ce que t'as pile les morceaux qui s'emboîtent parfaitement par rapport aux menuiseries prévues pas droit à l'erreur. Non, t'as pas droit à l'erreur. Non. Chef, on s'est trompé, c'est trop tard. Tu peux pas. Voilà. Alors, moi, je voulais juste vous poser une question, du coup, parce que moi, j'ai lu pas mal de choses, je m'instruis en même temps, et je voulais savoir, vous savez ce qu'il faut comme matériau pour fabriquer une brique ? Alors, de l'argile. De l'argile, oui. De l'eau. Cuite. Ah ouais, donc ouais. De l'eau, ouais. Une brique ? Il faut mélanger de l'eau à de l'argile broyée pour obtenir une pâte. Cette pâte est ensuite moulée puis séchée et enfin cuite à haute température. Ouais. D'accord. Okay. Et pendant longtemps, on en a fabriqué en Sologne, mais je crois qu'il ne reste plus. Il reste qu'une seule briqueterie qui se visite un peu façon écomusée, savoir-faire ancien. Ça veut dire qu'en France, on ne fabrique plus de briques. Mais on doit peut-être en fabriquer, mais pas en Sologne. Mais la Sologne, elle était vraiment connue parce qu'on a des terres argileuses en Sologne. Mm-hmm. Donc on peut même des fois faire des équilibres avec des sables en plus de l'argile. Et donc on fabriquait directement. C'est pour ça qu'en Sologne il y a encore plein de maisons en briques. Qu'il y a des briques dans les châteaux, ça venait de Sologne aussi. Ah c'est local hein. Ah c'est local. Merci pour cette recette Lisa. On aura Hugues dans un instant qui sera notre invité et qui lui a construit sa yourte tout seul avec des copains disons en autoconstruction. Il va en briques ou en verre du coup Non, en toile. Il va nous en parler. Et avant ça, vous avez vu le temps qu'il a fait aujourd'hui? Il a fait super beau. Ouais. Le soleil. J'étais contente. Ça appelle l'été, ça appelle Cruel Summer qu'on entend depuis le mois de novembre. Parce qu'on appelle l'été depuis le mois de novembre. C'est une reprise de Taylor Swift façon années 80, c'est un remix exactement de Synthwave façon années 80, comme si cette chanson était sortie en 1984. C'est sur Indestar évidemment et le chantier ça continue. Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible. Ah, Et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi, le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Des lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr, mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Parler de toi, ça c'est une bonne vanne de couvreur. Suivez les aventures du chantier en direct sur Indestar. Attention, prends des ardoises, sinon il va t'arriver une tuile. Ah, j'ai fait tous les jeux de mots qui étaient possibles d'imaginer. Bien sûr, merci Indestar, c'est GPT, le hein. Chantier. Non, c'est moi. Oh, ça va, c'est pas, je fais pas tout faire par l'intelligence artificielle quand même. Ouais. On parle du gros œuf ce soir dans le chantier, comment bâtir des murs, comment bâtir une forteresse. On a vu qu'il y avait différents matériaux, mais par contre, il y a un matériau qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé. C'est, alors, je ne sais pas si c'est exactement de la toile, mais on va demander au principal intéressé, pour construire une yourte. Une yourte qui est un habitat qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas en France. Un habitat atypique et on a la chance ce soir d'avoir Hugues pour nous en parler puisque Hugues a construit sa propre yourte. Bonsoir Hugues. Salut. Ça va? Ça va et vous? Bah oui, impeccable. Salut Hugues. Salut Hugues. Bonsoir Hugues. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Hugues. Alors, je suis désolée mais j'ai une vanne. Si tu... Est-ce que je sais pas si tu connais la classe américaine? Salut Hugues. Un peu, Hugues, ouais. Salut. Ouais, Hugues, salut, bien sûr. Je suis bien content que tu sois là. On va manger des chips. Ah, je n'ai pas la rêve. Ah, j'ai pas la rêve, moi non plus. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. On se sent rejeté. Tu me rappelles Georges politiquement. Exactement, merci. Tu es une personne de très bon goût, Hugues. Ça commence à brosser les gens dans le sens du poil. En même temps, c'est notre invité. Il a plein de choses à nous dire, Hugues, ce soir. Alors, toi, t'as construit, donc, tu as construit ta yourte en Normandie, c'est ça, pour situer le secteur? Ouais, c'est ça, exactement. J'ai construit ma hutte, effectivement. ça ressemble un peu à une cabane, en fait, hein. C'est vrai. Alors, c'est déjà pour décrire, parce que Kylian nous posait la question tout à l'heure, c'est quoi une yourte? Ça ressemble à quoi? Alors, une yourte, déjà, le premier aspect, c'est que c'est circulaire, donc c'est un... Je sais pas trop comment mieux le décrire que une cabane circulaire et ça fait un petit dôme en fait. Okay. Et c'est une c'est un habitat mobile et léger qui est construit en bois et en toile. Et voilà à peu près la définition. Alors quand tu dis mobile, on est d'accord que ça n'est pas sur roue, donc c'est mobile dans le sens où on peut la démonter pour pouvoir la remonter ailleurs. Exactement, c'est le principe de la yourte, c'est que c'est là par exemple pour moi ça a été monté en un jour et l'idée ça pourrait être démonté en un jour aussi. Ok. C'est extrêmement rapide en fait, ouais. Ouais, c'est un peu comme ma tente canadienne, enfin une grosse tente canadienne, ouais. tu pars en camping et t'emmènes ta yourte. Ça ressemble à une structure de cirque, non mais en plus petit. Non mais c'est l'habitat des Mongols en fait. Tu peux prendre l'idée du chapiteau, mais ça tient pas pareil par contre. D'accord. C'est pas le même, c'est pas la même façon de monter. Et quand je dis une journée, c'est une journée, mais avec des copains, parce que tout seul, c'est impossible. Mais Hugues, comment t'es venu l'idée de créer, enfin de monter cette hutte, de décider de t'installer? Ma question n'est pas claire. Alors, comment m'est venue l'idée? En fait, c'est assez simple, ça m'a toujours fait rêver comme habitat. Donc, je me disais, à un moment de ma vie, j'aimerais bien vivre là-dedans. Le truc, c'est que le temps avance et que c'est pas un habitat qui est non plus ultra confortable, on va dire. Ça n'a pas les standards de modernité que les gens peuvent connaître. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai 30 ans. C'est un projet que je pouvais faire tout seul. Donc, je me suis dit, vas-y, je me lance. Et puis aussi je dois avouer que le prix et la galère à trouver des appartements pour une personne seule là sans passer par la colocation et tout ça, c'était une vraie galère. En fait je me suis dit bon, vas-y, moi j'ai envie de vivre ça comme expérience et du coup je me suis lancé. D'accord, et t'as pas la plomberie par exemple? C'est ça que tu disais que c'était pas très... Alors si, j'ai... en fait il y a plein de... Je vais parler en mon nom parce que les gens qui habitent en yourte, il y a plein de modèles différents, plein d'approches différentes. Moi je vis avec l'eau et l'électricité et je suis raccordé au réseau. En fait j'habite à côté de chez des amis qui me laissent habiter sur le terrain. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir l'eau depuis leur circuit et l'électricité aussi depuis leur circuit. Et donc c'est le grand luxe quand même par rapport à d'autres yourtes. Ouais, donc ça toi, peut être... ouais, c'est le grand luxe, ouais, donc, carrément. Donc non, toi, t'as simplement eu besoin d'un terrain pour pouvoir ensuite t'installer et pouvoir monter ta yourte. Est-ce que t'as eu des déclarations à faire? Alors, ça c'est directement là, on entame avec le sujet un peu rude. Quand tu dis t'as juste eu à avoir le terrain, c'est un petit peu ça qui pose problème en fait quand les gens ils cherchent à habiter en yourte. C'est que globalement la loi est pas très très bien faite. T'es dans une zone grise. Vas-y. Un vide juridique. Ouais. Ouais, en fait, alors le truc c'est que il faut quand même un permis de construire pour ces habitations là. C'est un peu bizarre, mais en fait la surface de ma yourte, elle fait 38 mètres carrés, elle fait 7 mètres de diamètre, donc 38 mètres carrés. C'est déjà trop grand pour se passer de toutes les déclarations de permis. Donc il faut un permis de construire. Le problème, c'est que l'intérêt de vivre en yourte, c'est quand même de vivre au milieu de la nature. Et vivre au milieu de la nature et être en zone constructible, en règle générale, c'est pas facile à que ce soit compatible. Donc je suis en zone agricole. Le problème, c'est que les zones agricoles, eh ben, ça interdit directement de faire des permis de construire, à moins d'être agriculteur. Donc, je suis pas dans la légalité. Alors, je vais quand même me défendre un petit peu. Moi, j'ai voulu être dans la légalité. Ce qui fait que je suis allé voir le maire de la commune en lui présentant mon projet, en disant « Oui, bon, bah voilà, moi, j'aimerais bien habiter en yourte. Voilà ce que je compte faire avec mes amis, nanana. » Le truc, c'est que lui, il a les mains liées parce qu'en fait, il dépend d'un PLU, un plan local d'urbanisme, qui dépend de la communauté urbaine du bled, dont dépend le bled où j'habite. Mm-hmm. Et eux, à la communauté urbaine, ils ont rien voulu entendre et m'ont dit « Vous êtes en zone agricole, donc le projet n'est pas possible. » Donc, je me suis installé quand même en me disant que, bon, voilà, le maire, il a l'air d'être plutôt bienveillant. Et le truc qui est important, c'est que les voisins, parce qu'on est dans un tout petit hameau perdu au milieu de la campagne, ils sont quand même... ils étaient tous super contents que je vienne emménager ici. Oui, t'as pas, y a pas eu de mauvais rapport avec le voisinage qui pourrait être mal apprécié, comme certaines personnes qui veulent construire des tiny houses ou les personnes qui veulent s'installer par exemple avec des camions de transport et tous ces habitats alternatifs qui peuvent être très très mal perçus à la fois soit par le voisinage, soit par les politiques locales qui voient ça comme une arrivée de caravane, une occupation illégale d'un terrain et qui mélangent tout. Moi je suis allé voir tout le monde. Alors c'est des gens que je connaissais un peu pour les gens du hameau. Le maire, je le connaissais pas. Je suis allé voir tout le monde, je leur ai présenté le projet. Ils étaient tous super contents. Et pour moi, c'était genre le préalable. Enfin, c'était non négociable de toute façon. S'il y avait une personne qui aurait dit bah non, moi ça me fait chier, c'était sûr que c'était aller au devant d'ennui. Ouais. Donc, je suis très content que tout le monde ait été positif vis-à-vis de cette demande. Après, si on se réfère vraiment à la loi, effectivement, bon, je suis en dehors de la loi. Ouais, donc ça veut dire que si quelqu'un, parce que là, tu es dépendant de la politique locale actuelle et future, ça veut dire que si dans le futur, une personne décide de t'embêter un petit peu, ils peuvent potentiellement gagner et t'obliger à démonter ta yourte. Ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Et moi, j'ai une question par rapport aux matériaux de ta yourte. Donc, tu as une structure bois. Ouais. Et puis ensuite un tissu. Mais qu'est-ce que c'est comme bois? Qu'est-ce que c'est comme tissu? C'est quoi comme densité? Est-ce que c'est déperlant? Qu'est-ce que t'as comme matériau? Ouais, alors je vais expliquer tout ça rapidement. En fait, là encore, c'est pour moi parce qu'en fait, il y a plein de techniques et plein de choix de matériaux pour une yourte. C'est pas toutes les yourtes sont sur le même modèle. Okay. Moi, je suis passé par des fabricants qui ont au moins une vingtaine d'années d'expérience de fabrication de yourtes. Donc, je l'ai fabriqué avec eux. J'ai été formé. Ah, et alors c'est fabriqué, la structure elle est en bois, c'est du Douglas, donc c'est du pin, c'est un pin qui pousse très vite, c'est pas forcément l'essence de bois que j'aurais voulu une essence un peu plus noble, mais c'est comme ça, il y a aussi des contraintes budgétaires on va dire qui rentraient en jeu, ouais, bien sûr. Donc c'est un bois qui se travaille assez simplement, vu que c'est moi qui l'ai construit et que j'ai aucune formation de menuiser par exemple, c'est que c'est faisable. Donc on a, je vais partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Le premier truc que je vois quand je suis dans ma yourte, c'est cette structure en bois qui est en fait une structure en croisillon. Ah, et ensuite, oui. Des perches qui partent comme des rayons de soleil vers la couronne de ma yourte. Qui c'est est en gros c'est le gros trou centrale. En fait, ouais, ça. Le dôme. Ouais, le dôme. C'est le gros trou, ouais. Mm. Alors ça, c'est y a plein de façons de faire. Moi, c'est un trou avec une ouverture en plexiglas. Et il y a le tuyau de poêle qui passe par là. Ah. Donc, c'est une surface qui est comme vitrée au centre. D'accord, donc ça c'est fait double utilisation. Évacuation du poêle plus puits de lumière. Ouais. Évacuation du poêle, évacuation de l'air parce qu'il est ouvrant. Donc, je peux ouvrir quand il fait trop chaud, par exemple, dans la yourte, qui arrive assez vite parce que... C'est un petit espace, donc le poêle, ça chauffe très vite. Ouais. Le truc, là, je prenais l'exemple qu'une fois, je suis rentré, il faisait 4 degrés. J'ai allumé le poêle, je me suis à moitié assoupi, je me suis réveillé, il faisait 39. Ah la vache. Ouais. Donc là, il fallait ouvrir. Oui, bah oui, ah, bah, temps, sinon tu cramais. Ouais. Et là, je transpirais. Il y a, les premières soirées où je lançais le feu à fond sans vraiment maîtriser mon feu, parce que ça aussi, c'est tout un art. Je me suis retrouvé... en slip en train de transpirer alors qu'il fait moins 4 dehors. Quoi. Et t'as une surface de combien de mètres carrés environ? 38. Alors c'est pi r2 du diamètre, pi r2 de 7 mètres de diamètre, non en fait c'est 38 mètres carrés. Ouais. Mais alors c'est 38 mètres carrés circulaires. Oui c'est ça, avec la contrainte quand même d'avoir un aménagement rond oui. Quoi. Mmh. Ouais mais ouais. Ça se fait bien, tu vois, j'étais encore en train d'aménager, là je suis à peut-être 5 mois de vie là-dedans, je suis encore en train d'aménager parce que forcément tout est mobile quand même à l'intérieur. Ouais. Et je cherche un petit peu quel est le. Mais c'est vraiment cool, hein. Franchement. Mais du coup, comme tu as réussi à monter, effectivement, moi ce qui m'impressionne, c'est que tu as réussi à monter avec ton feu à 39 degrés alors qu'il fait 4 degrés dehors. T'as fait tes murs avec quoi? Alors, c'est ça le truc. Là, on a parlé de la structure en bois, donc on a les croisillons, c'est ce que je vois. Derrière, il y a une petite toile déco qui est juste du coton qui fait un aspect mur blanc, on va dire. Mmh. Et au-dessus de cette toile en coton, on a 20 cm de laine de mouton. Ok. Donc c'est c'est ultra isolant, ça pourrit pas. C'est un matériau qui est naturel. Donc c'est des grandes. On avait des grands rouleaux de laine. On a cousu ça ensemble. Alors de façon à faire les murs. Et après on a fait des découpes aussi parce que le toit, on va dire, est fait aussi en tout est isolé, on va dire, sauf le plancher. Le plancher est isolé avec du liège en dessous. Ça c'est un peu c'est autre chose quoi. Et puis au-dessus encore de cette laine, il y a un tissu marin, un truc de genre déperlant, enfin perspirant ils appellent ça. C'est-à-dire que ça respire un petit peu en allant vers l'extérieur, par contre ça ne pas rentre pas. Ouais c'est ça, il faut pas que la laine de coton prenne l'eau. La laine de mouton. Laine de mouton elle prenne l'eau, non, ça arrive par contre, ça arrive parfois. Notamment à cause de la condensation. Ah oui. C'est pas forcément que les coutures extérieures elles sont fragiles ou quoi que ce soit, mais en fait la condensation fait qu'il y a des taches d'humidité. D'accord. Mais c'est pas un drame en fait. C'est pas très grave. Ok. Moi je voulais revenir à ton idée originelle, donc ce projet. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir déjà cette idée qui est née d'aller habiter dans une yourte? Alors, c'est moi j'aime bien les randos en forêt, j'aime bien tout ce qui est nature et tout ça. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir habiter en plein milieu de la nature, avec quand même un minimum de confort, c'est surtout ça qui m'a motivé. La yourte, faut savoir que ça, malgré tout ce que je vous ai raconté, ça a quasiment aucune isolation phonique. C'est-à-dire qu'on entend aussi bien à l'intérieur de la yourte que si on était dehors. D'accord, c'est comme un HLM, quoi. Faut pas avoir peur de la nature, quoi. Non, faut pas avoir peur de la nature, au contraire, mais en vrai, c'est fantastique. Hein. Je me réveille le matin, j'entends les geais qui s'engueulent. La nuit, je me couche, j'entends les chouettes qui... Il y a trois chouettes là autour de chez moi. Ouais. Elles se répondent les unes les autres. Et c'est à tel point que j'entends les oiseaux qui décollent. Vraiment, s'il y a un oiseau qui se pose derrière ma tête, là, derrière mon lit, on va dire, je l'entends se poser. Comme en toile de tente, en fait. Mais... Pardon ? Je dis comme en toile de tente, oui, finalement. Exactement pareil, mais il y a aucune isolation. Mais d'ailleurs, là quand j'ai passé les câbles électriques, j'ai juste à soulever la bâche et je glisse le bras, puis ça y est, je suis dans la cuisine, quoi. Mais Hugues, est-ce qu'il y a autre chose qui diffère de ta vie en yourte par rapport à une maison? Ouais, tu parlais de confort tout à l'heure, effectivement, si tu fais le parallèle entre les deux. Ouais. Alors, ouais, il y a des choses qui diffèrent, c'est que ça demande quand même pas mal de logistique, en fait. Il faut quand même alimenter le poêle, c'est tout con, mais il faut couper le bois à la bonne dimension, il a fallu faire rentrer le bois et tout ça. Il faut quand même s'occuper aussi pas mal du dehors, parce que comme je suis en pleine nature, c'est pas carrossable, donc là il a plu pendant 4-5 mois, là, donc c'est assez boueux. Donc ça demande d'avoir des vêtements un petit peu adaptés et tout ça. Le matin tu te lèves, là pendant les périodes de grand froid tu te lèves, il fait quand même 4 degrés. Il faut alors j'ai une combinaison de ski à côté de mon lit pour les moments où c'est dur. Je me lève, je mets la combinaison de ski, je fais mon feu et tout ça. Ça demande pas mal de d'entretien. Est-ce que si on compare, parce que là tu nous parles notamment du mode de chauffage et puis de l'extérieur, si on compare ça, parce que t'as choisi, alors je pense que c'est pour certaines raisons le poêle à bois, mais imaginons que tu mettes un poêle à granulés. Du coup, tu vas te retrouver dans un confort d'une maison à poêle à granulés, ou à l'inverse, là, le fait de remettre du bois et de gérer ton système de bois, finalement, avec quelqu'un qui, chez soi, déciderait de se chauffer au bois. Bah alors, en fait, je connais pas trop la vie en maison traditionnelle. Enfin, disons que... Ouais, le système poêle à granulés, moi j'en voulais pas parce que je coupe du bois, enfin un verger de famille et tout, je m'en occupe. Ça me paraissait logique d'utiliser le bois que je coupe. Ça va avec et une puis, démarche. En fait, le truc d'être... Ouais, ça va avec une démarche. Ouais, non, mais de toute façon, la vie en yourte, c'est quand même une démarche. Faut y avoir réfléchi et tout ça. Après, c'est très chouette. Faut pas idéaliser la vie dans la nature non plus. Il y a ses bons côtés, ses mauvais côtés. Le truc qui est cool, c'est que quand même, là, en facture d'électricité, ça fait 5 mois que j'y suis, j'ai dû décompenser 50 balles parce que j'ai rien d'autre que mon frigo et mon chauffe-eau qui est ridiculement petit. Donc, c'est vrai que après on peut compter le bois et tout ça, mais c'est quand même pas cher comme mode de vie. Et puis, bon, bah, je suis pas dépendant du cours du granulé et tout ça. Si j'ai besoin de chauffer, ouais, j'aurai toujours du bois à portée de main, quoi. Il y a ce côté qui est cool aussi. Et tu veux dire que globalement, en fait, le fait d'avoir plus petit, parce qu'il y a cette démarche aussi, plus petit, plus simple, en fait, par capillarité, finalement, ça te fait faire des économies puisque tu vas pas avoir le gros frigo américain. Ça fait partie d'un confort général que tu te dis, bon, voilà, c'est globalement, je vis dans moins de confort et du coup, ça me coûte moins cher et j'ai envie de me rapprocher de la nature. Il y a une démarche globale dans tout ça, quoi. Ouais, exactement. Alors, l'un des aspects inconvénients dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'en fait, le manque de place, enfin, c'est quand même petit comme. Et comme je vis dehors, il y a vite fait du matos. Enfin, ça demande beaucoup de matériel et tout ça, donc faut s'organiser. Mmh. Mais ouais, ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale. Okay. De réduction, on va dire, des coûts, puis d'être un peu plus proche aussi, un peu plus raisonné dans sa façon de vivre et de consommer. Moi, ça me va, en tout cas. Si, moi, j'avais... Avant, oui. Oui, moi, j'aurais une question, c'est pour le sol, en fait, de la yourte. Elle est posée sur quoi, ouais. Et comment c'est au sol, quoi, en fait? Alors, ouais, c'est une bonne question. En fait, j'ai un peu menti quand j'ai dit que j'avais mis un jour à la construire. En fait, j'ai mis 3 jours à faire juste le sol. Parce que c'est ça un peu le problème, ouais. C'est d'assurer la stabilité du truc. Faut que, en gros, c'est posé sur 26 piliers, on va dire. Alors, les piliers, c'est assez rigolo comme terme parce qu'il faudrait voir à quoi ils ressemblent, les piliers. C'est en gros un amoncellement de trucs à peu près plats qui sont sur un sol argileux, donc qui est soumis à des contraintes là, qui gonfle et qui dégonfle en fonction de l'humidité. D'accord, on n'est pas sur du béton armé. Non, c'est pas un béton armé. Non, il y a zéro artificialisation des sols, c'est ça le principe. Ouais, c'est ça qui est cool. Par contre, il a fallu mettre à niveau 26 points d'appui. Okay. Et ensuite, il y a des lambourdes, donc des grandes traverses de bois qui sont fixées les unes sur les autres. Ça fait mon assise. Et au-dessus, il y a une couche d'OSB, une couche de liège et une couche d'OSB, on va dire un petit peu déco, là, qui est vernie et sur laquelle je marche. Dans l'idée, j'aimerais bien avoir un parquet, en tout cas, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus joli, mais pour le moment, bon, il y a aussi des questions de coût. Et du coup, là, c'est un OSB verni, mais franchement, c'est pas si moche que ça. Et l'OSB que tu as utilisé en premier, donc qui est sous le liège et sous le deuxième OSB, c'est ceux qui sont justement traités contre l'humidité. Classe 2, classe 3. Alors, je m'y connais pas trop dans ces caractéristiques techniques. En fait, je dis OSB, mais c'est même pas de l'OSB, c'est une genre de variante d'OSB. Moi, ça reste des panneaux pour faire un plancher, ouais. Je me rappelle plus du terme. Mmh. Ouais. Mais moi, j'ai une question par rapport au coût, quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi aussi, le budget. Coût global, ouais. Ouais, combien ça coûte, finalement, une yourte comme ça Alors, pareil, là, c'est un peu drôle, c'est un clin d'œil à mon formateur. La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de... par exemple, moi, j'ai mis 26 cm d'isolant, on aurait pu en mettre 12. J'ai mis 5 mm d'isolant au sol, on aurait pu en mettre 10. Il y a plein... Et j'aurais pu utiliser un autre bois. Globalement, là, si on veut parler de mon budget, on va dire juste la yourte. Ouais. Parce qu'il y a tous les à côté, il y a toute l'arrivée du câble électrique, par exemple. Là, j'ai mis presque 100 mètres de câble électrique, c'était 600 balles, ouais. Par exemple. Le cuivre, ça coûte cher, il faut des gros trucs. On va dire que le projet, il m'a coûté 20 000 balles. D'accord, ok. Et après, 20 000 balles pour 38 mètres carrés. Okay. C'est moins cher qu'un appartement, je te confirme. Ah bah c'est moins cher qu'un appartement, par exemple. C'est moins cher, mais après... la comparaison au mètre carré, c'est sûr que c'est imbattable. Bon, après, c'est là, on parlait de confort de vie et tout ça. Il y a quand même un gros mais, et ça c'est un peu chiant. C'est que je suis pas légal, quoi. Ouais. Tu vois, il y a quand même toujours un petit peu ce stress, quoi. Ouais. Oui, Kylian, tu voulais poser une question. Ouais, au niveau du liège qui est en dessous, ça coûte cher et ça isole bien ou pas? Alors, c'est pas, ça coûte pas si cher que ça. J'aurais pu rallonger encore, mais là, par exemple, j'avais un budget qui était quand même assez serré. C'est assez bien isolant. On va dire que c'est pas vraiment ça qui va jouer le plus dans la température à l'intérieur. Mmh. Donc c'est là, par exemple, moi j'ai fait des concessions. Moi, quand il y a des amis qui viennent à la maison, je leur dis toujours, prenez des chaussons. Parce que le sol, en plus, la chaleur a tendance à monter, tout ça. Ouais. Le sol, c'est pas la partie la plus agréable, mais avec des chaussons, franchement, ça passe nickel. Ouais. Et t'aurais pas pu mettre du liège, parce que tu parlais d'isolation phonique tout à l'heure. Le liège est un bon isolant phonique. Est-ce que ça aurait pu être compris dans ton épaisseur de la laine, là, de mettre du liège en vrac? Est-ce que ça aurait pu être faisable, ça? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont testé. Le truc, c'est que le liège, c'est extrêmement friable. Et, ouais. Et quand même, le fait que ce soit circulaire, vu que le liège, c'est vendu en plaques, je pense quand même que c'est plus simple. Et puis même en termes de... C'est quand même censé être démontable, quoi. Donc, du oui. liège en vrac, je ouais, pense... Ouais, si c'est en vrac, après, il faut le récupérer. C'est pas compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Après, elle aime bien. Alors que là, c'est vraiment un rouleau de laine, ouais. quand je dois démonter. Je vais re-enrouler mon gros rouleau de laine, donc ça pèse assez lourd et tout ça, mais bon, ça se fait. Ouais. Mais avec du liège, je sais pas du tout. Oui, non, mais il y en a qui font des solutions complètement intermédiaires. Hein. J'ai une amie, elle a cousu des centaines là de couvertures ensemble. Elle a acheté ça à Emmaüs à droite à gauche. Elle avait du temps et elle a tout cousu ensemble et ça fait un bon 15 cm d'épaisseur. Ok. Non, c'est vrai que j'avais oublié, tu vois, dans en posant ma question, le côté démontable du truc. Et ouais, bah le liège à récupérer, si c'est en vrac, c'est compliqué. On est d'accord. Des questions ? Ça peut peut-être exister, je sais pas. Ouais. Bon, et ben merci beaucoup, Hugues. Ah oui, Brigitte. Oui, avec plaisir. Une petite dernière question. Dans l'optique et éventuellement démontable, si c'était à transporter ailleurs, enfin au niveau du poids et du comment ça peut se transporter, quoi. Est-ce que ça se transforme dans une Twingo ou dans le camion voilà, Angie, quoi. Oui, voilà. Ah non, la Twingo absolument pas. Pour remonter la yourte, de l'atelier où je l'ai fabriqué, c'était dans le Marais Poitevin et moi je suis en Normandie, donc il y a eu quand même un peu de temps. On l'a mis dans un gros camion de déménagement. Un 20 mètres cubes et ça rentrait voilà, il n'y avait plus de place ouais. et là les amortisseurs, heureusement qu'on ne s'est pas fait contrôler parce qu'on était mort clairement, niveau du poids c'était pas ça du tout. Le sol pèse extrêmement lourd, c'est des grosses lambours de bois brut ouais. Ça pèse très très lourd et alors il y a ça là pour la déplacer, du coup un 20 mètres cubes ça le fait. Par contre, bah, y a aussi tout le reste, y a tout ce que j'ai mis à l'intérieur ouais. et du coup ce serait à mon avis plusieurs camions. Mais là, je serai sûrement pas dans l'urgence la prochaine fois que je dois déplacer, donc j'espère que j'aurai le temps de m'organiser. Oui, bah j'espère oui. surtout que vous n'aurez pas à vous déplacer. Ah bah oui, c'est surtout ça. Un jour ou l'autre, ça arrivera, c'est sûr. Il faut se dire que c'est pas un habitat. De toute façon, c'est un habitat qui est fait pour voyager. Et puis là, moi, je suis chez des amis. J'espère un jour avoir un endroit à moi. Mais dans l'idée, ça se déplace quand même, même si c'est avec les copains, ça le fait. Ouais. Et c'est garanti combien d'années en fait au niveau de la toile. C'est pas garanti. La première nuit que j'ai passée dans la yourte, c'était la nuit de la tempête en octobre, et c'était vraiment un peu le baptême du feu en se disant bon, est-ce que ça casse ou pas. Ça a bien tenu. La structure en elle-même, elle est pas s'il n'y a pas de grosse tempête, il n'y a pas de raison que ça casse. La toile extérieure, celle qui fait la protection contre les intempéries, on va dire que une dizaine d'années, en fonction de comment c'est entretenu, en fonction de où c'est placé en fait aussi. Ouais. S'il y a des arbres qui lâchent des pollens ou des trucs comme ça, ça peut abîmer la toile. Une dizaine d'années à peu près. Mais ça, c'est pas une grosse. Enfin, à recommander, ce ne serait pas une si grosse dépense. D'accord. Par exemple. Tu parlais des copains. En une journée, combien de copains? Alors on était une quinzaine, après on était rarement plus de 6 ou 7 à travailler en même temps, on faisait une rotation, enfin c'était un moment aussi deux un peu équipes, convivial ouais. et tout, donc il faut minimum être 3 ou 4. Ouais. Après c'est sûr que plus on est, plus c'est simple parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire. C'est pas forcément ultra physique mais c'est bien d'être plusieurs. OK. Eh ben merci beaucoup Hugues d'avoir été avec nous ce soir. C'était merci Hugues. Très bonne expérience. Eh ben merci pour l'accueil. Eh ben je te dis à bientôt. Et puis bah bonne vie dans ta yourte. Là t'as fait le plus dur parce qu'en plus t'as passé ton premier hiver. T'as commencé, c'était le début de l'hiver. Donc là je pense que les beaux jours vont être encore plus agréables. Je pense. Ouais carrément. Puis donc cette yourte là je l'ai fabriquée mais j'étais pas tout seul. J'ai un très bon ami Fabien là qui m'a extrêmement aidé à construire cette yourte. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Donc, je lui passe le coucou en même temps. Le soutien est important et on lui passe le bonjour. Tout à fait. Merci Hugues. À bientôt. Salut. Salut. Salut. Bonne journée. Salut. On va aller dans la chambre de Gifla. Écoutez, son titre Bedroom Singer et le chantier continue dans un instant. On vous file des bons tuyaux. Couldn't stand tall in front of those people who were staring at me. I was trying my hardest. up in a ponytail. Dumb red necklace, it is just like I have. Facing the microphone, away from the camera. I imagine my room. L'eau chaude, mais ils ont de bons tuyaux. Le chantier, c'est sur Indestar. Les bons tuyaux, c'est maintenant dans le chantier sur Indestar où on fait du bricolage, on fait même un peu plus, on fait de la construction, mais tout en restant assis tranquillement sur nos chaises de studio de radio. Même si on met la main à la pâte plus ou moins à l'extérieur. On va vous donner des sources. Voilà, que des choses qu'on a pu voir à droite à gauche, particulièrement ce soir sur le gros œuvre, donc et la structure hein, de la maison. On a vu la yourte avec Hugues, on a parlé des différents matériaux tout à l'heure, on a fait un petit comparatif à retrouver dans les podcasts si vous avez loupé cet épisode. Quelles sont vos sources justement de référence? On peut commencer par toi Brigitte si tu veux, justement sur le gros œuvre, qu'est-ce que t'as vu qui pourrait t'aider si tu décidais de monter des murs? J'ai trouvé plusieurs choses. J'ai trouvé des sites. Il y en a un qui s'appelle Bricoleur Pro West France.fr. Voilà. Okay. L'autre, c'est Rénovation Travaux. Ils proposent quoi ces sites-là? C'est Des conseils. Ouais, conseils. Voilà, il y a des tutos très détaillés aussi sur systemd.fr. Ah oui, voilà, alors, ça c'est le gros. Ouais, Systemd, c'est, ils ont un magazine aussi. Hein, c'est vraiment le magazine de référence de bricolage avec. Vous avez le magazine traditionnel qui doit paraître tous les mois. Ça, puis au milieu, tu as les pages pour pouvoir construire des trucs avec les plans, les cotes. Une cabane pour oiseaux. Ah, t'as des super trucs des fois. Oui, non, t'as des trucs, ça va jusqu'aux escaliers des fois, c'est pas facile. Oui, vu ce que j'ai vu, ça a l'air assez complet. J'ai trouvé aussi des vidéos, enfin deux youtubeurs apparemment, Rénovo, ça s'appelle. Mm-hmm. C'est des amateurs qui se sont lancés dans la rénovation complète d'une maison et d'une extension. Donc il y a plein de vidéos. Ouais, où ils montrent à chaque fois l'évolution. Voilà, l'évolution, ça a l'air très détaillé. Et puis deux livres. Il y en a un qui s'appelle Construction de maisons individuelles, gros œuvre et seconde œuvre, justement. Ouais. Ah, on en parlait, ouais, tout à voilà, fait. Voilà, c'est aux éditions Erol. Bon, ça date un petit peu, c'est paru en 2009, mais enfin bon. Oui. Voilà. Et l'autre qui s'appelle Construire, rénover et aménager une maison. Mm-hmm. Donc c'est Alain et Ursula Bouteveille. Il faut juste faire attention, peut-être, tu dis en 2009, sur les normes, notamment les RT 2012 et les RT. Exactement, c'est pour ça que je précise 2009, parce effectivement, parce que ça a évolué. Voilà. Mais bon, voilà ce que j'ai trouvé. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre avait des sources à proposer? Bah écoute, moi je vais à Casto ou Confo, moi. Alors, Conforama pour les meubles, Castorama pour le bricolage un peu plus important, d'accord, ok. Donc magasin de bricolage, tu te fais conseiller par des... Bah ouais, moi je vais dans les magasins, je demande conseil. Hein. D'accord, et t'es, à chaque fois t'as des bons conseils? Ah bah écoute, la plupart du temps, puis des fois ils te proposent aussi des artisans avec qui ils travaillent, donc là aussi pour le bouche à oreille et tout ça, ça peut, ça peut bien fonctionner. Ça, d'accord, très bien. Moi j'avais deux youtubeurs, ouais vas-y Kylian. Non mais vas-y, dis. Deux youtubeurs que je suis, alors il y a DIY avec Polo. Alors Polo, c'est un artisan, il est bon, Polo. Ouais, c'est un bon Polo. C'est un bon gars. C'est un mec du sud. Polo, il est dans le bâtiment depuis 17 ans et un peu plus même. Il fait de la rénovation. Alors, il travaille sur plein de choses. Tu parlais d'artisan en multifonction tout à l'heure. Lui, c'est un petit peu son cas. En fait, dans son grand terrain qu'il a, il a réalisé une maison en container. Qui suit sur plusieurs épisodes. Donc tu vois un peu l'avancée des travaux, comment il fait les choses, etc. J'avais envie de cibler moi ce soir sur la maison container. Donc j'avais DIY avec Polo qui fait ça, mais il fait aussi autre chose. D'ailleurs il a fait deux vidéos sur les cloisons, quand j'ai fait mes cloisons avec les fameuses bandes. C'est le truc qui ont dit ouais, c'est super compliqué, etc. C'est vrai que c'est pas le plus facile du monde, mais j'ai réussi. Mais il a fait deux vidéos, une vidéo un peu amateur et puis une vidéo avec un professionnel, où là tu te dis que t'es nul, mais au moins ça te montre comment, quel est l'objectif à atteindre. Et puis autre chaîne, c'est toujours sur la maison container, c'est celle de Julien Malara, qui lui n'y connaît rien à la base et qui s'est lancé dans la construction d'une maison container qui est plutôt grande, vraiment de A à Z, hein, de l'import des containers maritimes à l'aménagement de son sa maison. Donc on passe par toutes les étapes et notamment par la structure. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux parler de ma maison A? Mais parle de ta c'est maison vrai. En A. Je vous parle de ma petite maison en A qui peut être très grande. Ouais. C'est quoi une maison en A? Alors une maison en A, petit quiz, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une maison en A? Bah non, du coup. Non. C'est comme une tente canadienne. C'est une maison qui est toute en charpente sans mur. Exactement. Ouais. T'as effectivement le toit qui va jusqu'au sol. Ouais, comme des fermes en fait. C'est comme une hutte en fait. Mais ça fait des pans du coup. Alors j'ai une petite définition. Ouais. Donc la maison en A se caractérise par sa structure en forme de A avec la toiture à deux pentes descendant jusqu'au sol. Ok. Ouais. Je pourrais faire ça en fait. Moi j'ai dit que j'allais enlever les murs et faire en sorte que garder le toit et mettre des étés, mais finalement je peux enlever les étés et puis rabaisser la structure. A majuscule, précisons. A majuscule, oui, sinon c'est un peu compliqué. A majuscule. Excellente remarque. Non, parce que sinon ça fait un tuyau. Quoi. Sinon c'est compliqué. Ouais. Non, effectivement, et donc du coup vous avez Elisabeth Fort qui a été en 2013 qui a construit sa maison A. Alors j'étais un peu stupéfait parce que c'est une maison de 180 mètres carrés qui défie tous les prix. 35 000 euros. Et donc, elle a cette phrase, si vous savez faire un triangle, vous savez construire une maison en A. Apparemment, c'est assez facile de construction. Et il y a des entreprises maintenant qui proposent des kits. Ah donc, oui. Vous achetez vos kits. Et puis, voilà. Donc, le principe, c'est qu'il y a des espèces de plots, comment je peux dire ça, en béton. Oui. Parce que disait Hugues tout à l'heure, en fait, voilà, c'est vraiment pour stabiliser la structure. Pour stabiliser la structure. Ouais. Donc, généralement, la structure, tout est en bois. Ça s'assemble assez rapidement et il y a de nombreuses avantages, c'est-à-dire que énergétiques par la forme en fait de la maison. Voilà. Il y a donc des contraintes aussi parce qu'en fait le fait que ça soit en forme de A, tu perds de la place, un peu comme dans des combles. Effectivement, tu perds de la place. En gros, là ce que tu viens de parler pour faire les supports en dessous, c'est ce que nous a parlé l'une des personnes sur les micro-trottoirs. Les fameux poteaux régisseurs, techniquement. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Est-ce qu'ils sont régisseurs? J'en sais rien. Je sais pas si ils sont régisseurs. Qu'est-ce que vous faites, les poteaux? Les poteaux raidisseurs, c'est ça. Raidisseurs. C'est pas pareil. Mais je me demande ce que c'est, parce que oui, j'ai pas été voir. Ils ont dit que c'était facile. C'est comme des pilotis. C'est ça, c'est des pilotis, ouais. Oui. Ok, ouais. Mais mais le principe de la maison en A, effectivement, économie. Et parlons rapidement d'Elisabeth Fort, parce que moi, je la trouve forte, justement. Cette dame, alors qui était dans l'architecture, oui, il me semble. Ouais, architecte avec un franc-parler assez. Elle parle notamment des pavillons. Je me suis dit, vraiment, elle n'est pas là pour se faire des copains. Quoi. Elle croit en son projet, elle y va à fond. Projet. Mais ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'elle a construit sa maison, elle avait 65 ans. 2013, 65 ans. Mm. Et donc, il y a un film. Elle vivait dans un cabanon, elle vivait à côté dans son petit cabanon. Ah, okay. En attendant pendant les travaux. Ouais. Et visiblement, elle l'a faite, elle disait, à 98% toute seule. Ouais, donc, elle a j'ai besoin de personne pour certains trucs, mais apparemment ça se fait, hein. Ça se fait. Et d'ailleurs une personne, alors il y avait les pingouins comme un pingouin dans le désert que vous pouvez suivre sur YouTube, qui était un couple qui avait fait une petite maison et ils sont plus ensemble, mais Salomé donc qui a décidé, lui Kevin je crois, est resté dans la maison et Salomé a décidé de construire sa propre maison en A. Donc sur la même base que qu'a fait Elisabeth Faure, mais peut-être en plus petit. Donc elle est au début de cette construction là et elle rénove également des dépendances, mais elle est aussi dans cette logique là de construire sa maison en A sur un terrain. Après c'est vrai que c'est très tentant comme projet, encore faut-il pouvoir avoir le courage. Non, mais par rapport au PLU, oui, exactement. C'est ce que je veux dire. On a peut-être aussi le problème de on peut pas mettre ça parce que ça ressemble pas aux autres maisons. Donc, exactement. Alors, j'ai vu que dans certains coins de France, ils sont plus cool, ça ressemble plus à ce qu'ils font. Enfin, en montagne, par exemple, par là, c'est plus facile. En montagne, c'est souvent le cas d'avoir des maisons comme ça. Voilà. Bah, après, moi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est qu'on va venir nous embêter justement sur certains détails par rapport aux zones patrimoine, les architectes des bâtiments de France, la forme de la toiture, etc. Par contre, les maisons cubes dégueulasses, y a pas de souci. Ah ouais, et où Mais oui, mais parce que c'est toutes les mêmes, donc ça va. Ou les menuiseries PVC sur de l'ancien. Enfin, on accepte des trucs qui n'ont absolument aucun sens et on va venir faire chier quelqu'un qui veut avoir sa yourte qui embête personne. On va faire chier quelqu'un en tiny house, on va faire chier quelqu'un qui a sa maison en A et qui prouve que ça coûte pas cher, que c'est bien super sympa en plus. Une maison en A, ça fait vraiment un petit chalet. Enfin voilà, après, ça dépend des matériaux. En fait, une maison A, c'est comme une hutte style gauloise et tout ça. Oui, ça ressemble un peu à la maison d'Astérix, un peu. C'est ça. C'est vrai. C'est ça. Il y a un peu de ça. Mais... On revient à nos racines. Et elle est où? Elle habite où, elle, Elisabeth Faure? Alors, c'est la montagne. Il me semble que c'est pas en. Ah, mince. Elle est pas en Isère ou. Elle est pas en Île-de-France. Non, elle est pas en Île-de-France. Il me semble que c'est au niveau de tout ce qui est Alpes et tout ça. Oui, oui, c'est dans la montagne, oui, tout à fait, ouais. C'est pour ça elle est moins embêtée. Dordogne. Oui. En Dordogne. Pas du tout en Isère, du coup. La campagne dordogne. Ouais, du coup, c'est vers le Jura et tout ça. Ouais. Un truc dangereux. Oui, je crois pas que c'est avec ton BSR que tu as ces compétences en géographie. on rigole, mais alors Kylian, on a fait une émission GeoGuessr où il faut se repérer sur une carte, on pop la carte et voilà. Alors Kylian peut être très bon. Non, alors c'est Toulon. Oui. C'est soit il est très bon, soit il est très nul. Quoi. C'est ça. En fait, il affirme. Après, des fois ça tombe juste et puis des fois ça tombe moins juste. Mais, c'est ça. Mais il est très confiant. Il a de l'assurance. Il est tellement assurant, tu sais, qu'on se dit, ah, t'as peut-être raison. On y croit. Et des fois, en fait, quand on n'y croit plus, bah, c'est là que c'était juste. Ouais, c'est ça. On écoute la reprise de Dua Lipa Houdini avec Abra Salem sur Indestar. Et puis après, on aura du jeu. On va jouer ensemble et avec Noémie. Question au son à reconnaître. On aura plus de questions que de sons cette fois-ci, mais on va en profiter sur Indestar. C'est l'histoire de Thomas, de Lise et de Léa, de Mathéo, Zoé et Lucas. Ils habitent en France, au Canada ou en Belgique. Ils ne se connaissent pas, mais ont pourtant un point commun. Ils écoutent Indestar. Indestar. Original, reprise et mash-up, des émissions déjantées, des découvertes et du fun toute l'année, du bout des doigts, sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordi. Indestar.fr, TuneIn Radio, Deezer ou Orange Radio, choisis ta plateforme d'écoute et viens rejoindre la communauté Indestar, là où tout commence. Voulez-vous rejoindre le comité d'interdiction des cravates à motif BD? La page, j'ai la dalle. Et moi, le ciment. Si tu veux, on fait une terrasse. Le groupe, pour que Dora s'achète un GPS et arrête de nous embêter avec sa carte. Facebook, Instagram, c'est cool. Si tu suis des trucs cool. Artistes, meilleurs moments d'émission, infos et vie de la radio sur la page Facebook Indestar et notre compte Indestar Radio sur Insta. Catch me or go, Houdini, I come and I go. Prove you got the right. to please me, everybody knows. Catch me or I go Houdini. If you're good enough, you'll find a way. Maybe you could cause a girl to change. Everything you say, it sounded so sweet. But do you practice everything that you preach? I need something that'll make me believe. If you got it, baby, give it to me. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Everybody knows. Everybody knows. Catch me or I go Houdini. If you're good enough, you'll find a way. Maybe you could cause a girl to change. Do you think about it night and day? Maybe you can be the one to make me stay. For long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go Houdini. Houdini. Catch me or I go Houdini. En fait, tu branches la phase sur le... Suivez les aventures du chantier en direct sur Indestar. Le bricolage, une passion. Les marteaux et les mèches dans son son. Tu recommences une nouvelle vision. La rénovation en avant d'action. Faut un bon slogan, ça. Max, on a envie de chanter. Alors je sais, ça fait un peu bas de gamme hein, comme musique, mais sachez que c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Mais on se prend au jeu quand même. Bienvenue sur Indestar. Si vous venez de débarquer, c'est la fin du chantier, mais on n'a pas encore joué, donc tout va bien. Vous allez pouvoir prendre une ardoise. Vous allez pouvoir également, si vous êtes plus moderne, utiliser le Twitch, puisqu'on est sur Twitch en direct, Indestar Radio. Vous allez dessus, vous avez un chat. Par contre, il faut être connecté pour pouvoir chatter, et vous allez pouvoir répondre aux questions, comme nous allons le faire. Aux questions de Noémie, dit Nono pour les intimes. Parce qu'on est intimes maintenant. Ah bah, c'est nouveau ça. J'ai pas dit que j'allais taper dans le public. Quand même, on a un petit jardin privé, s'il te plaît. Étale pas ta vaisselle. Avec des cactus. Parce que moi, les jardins, faut pas compter sur les plantes pour que ça dure plus d'un mois. Alors effectivement, je vous ai préparé quelques petites questions par rapport au thème de l'émission sur les murs, la structure, un petit peu les matériaux. Mm-hmm. Donc pour commencer, je vais vous poser une question. Voilà, elles sont pas très très compliquées, mais ça permet de connaître différentes choses. Est-ce que vous connaissez, on va commencer quelque chose, on a parlé de placo, on a parlé de bandes, donc de plaques de plâtre. Est-ce que vous savez quel type de plaque de plâtre il existe pour les maisons? Allez, le BA13. Quel type? Ah non, quel type? Enfin, j'ai compris le nombre. Le type. Alors, quel type de plaque on peut utiliser? Donc, il existe des plaques. Le placo. Placo. Alors, attention, placo plâtre, c'est une marque. Hein. Le terme exact, c'est. C'est des plaques de plâtre. Plaques de plâtre, voilà. Plaques de plâtre. Donc, ouais. Il existe le plâtre, les du plaques liège, de plaque. Du liège. Classique. Alors, je parle uniquement de plaques de plâtre. Oui. D'accord. Je ne parle pas d'autres matériaux. Donc, il y a plusieurs types classiques, mais il utilise différents types en fonction des pièces où vous allez les mettre. Je l'ai. Différents types d'épaisseur, tu veux dire? Alors, épaisseur, ça change pas grand chose. Les utilisations pour ceux en fonction de la pièce, en fonction de l'usage, en fonction du lieu. La salle de bain, par exemple, c'est vert. Ouais. Parce que ça empêche l'humidité. Ah, mais moi, j'avais pas compris. Il y a du bleu, je crois. Le rouge, c'est pour la chaleur. L'antifeu. L'antifeu. Voilà. Et le gris, c'est normal. Ouais, le gris, c'est le normal. Et il y en existe un quatrième. Il n'y a pas du bleu? Du bleu? Pour l'humidité? Le bleu ou vert, ça dépend des marques. Le blanc? Donc ça moi j'ai vu que du blanc. Avec du polystyrène blanc, derrière classique. De coller là. Non. Mais non, il y a des couleurs. Non. Il y a des couleurs. T'as des couleurs, t'as toujours un côté qui est blanc, quoi qu'il en soit. Ah, C'est parce que tu vois toujours qu'un côté. Donc en fait, si tu les regardes tous du même côté, ils sont tous blancs, tu vois. Ok, bon. C'est pour ça que t'as pas vu les couleurs du coup. On peut les regarder de l'autre côté. Allez, je connais pas le alors, dernier. Il existe un dernier type. Donc effectivement, on utilise pour les salles de bain pour protéger de l'humidité, parce que le plat qui peut prendre la flotte. On utilise du anti-feu autour des cheminées, autour des poêles, et puis certaines normes aussi qu'on doit utiliser pour certains lieux publics. Et notamment, il y en a un dernier qu'on utilise pour les zones avec du son. Donc on a aussi des plaques. Ah oui, avec les c'est celui gens qui font du bruit, qui est percé. C'est noir. Alors il est pas percé, il est classique, et celui-ci est violet. Ah bon, tout simplement. Après, en type d'épaisseur, en général, on trouve du 1 cm ou du 19. Violet. Ah, il est pas plus épais. Il est juste méga lourd, il est beaucoup plus dense. Alors 1 cm ou 19 1 cm ou 19 mm. Ouais. Ah d'accord. Mais ça arrive aussi qu'on les mette l'un au-dessus de l'autre. Parce que, c'est international la couleur ou C'est en fonction des marques, j'imagine. Ouais. Bleu ou vert pour l'humidité, rouge pour le feu parce que ça semble logique. Logique. Et violet donc pour le son. Donc pour avoir des pièces insonorisées. Logique, hein. Oui, faites un mais est-ce qu'on peut, peut les empiler, c'est-à-dire que est-ce que sur mon rouge, je peux venir mettre parce que mon voisin il me fait chier et il fait trop de tu peux lui mettre la plaque dans la gueule en fait. Non mais ça résout le problème. Est-ce que je peux en caler deux du coup, rouge puis est-ce après ma violette. Ça sert à quoi pour, Alors tu peux mettre la violette peut-être en premier et puis après la rouge justement qui est au-dessus côté là où il y a le feu à proximité, tu vois, parce que le son il va arriver de l'autre côté donc tu le mets au plus près. Puis par-dessus, peut-être, mais se renseigner. Et sinon, t'as pas des isolants, justement. Oui, c'est ça. En plus de ça, tu peux rajouter des isolants derrière pour t'isoler du voisin phoniquement, tu vois, en plus de simplement le placo, quoi. Oh là là, mais je pars de trop loin, moi. Non, mais c'est-à-dire que... Si on n'y connaît rien. Il y a ton mur. Mur, tu mets ta plaque de placo. Ta plaque. En fait, sur le mur, tu mets avant des rails avec la distance nécessaire, l'épaisseur nécessaire pour pouvoir ensuite mettre ton isolant derrière. Avant de plaquer. Donc, le plaquage, c'est à la fin, en fait. Ah oui, d'accord. Et ton isolant, t'as souvent à peu près 10 cm en général, entre 5 et 10 cm. Et ben, donc tu positionnes tes rails en fonction. D'accord, c'est pas demain la veille que. Mais si. Non, moi aussi, je t'appellerai pour casser des trucs, t'inquiète. Non, en fait, il n'y a rien. Je vais reprendre un petit peu ce que le monsieur disait. Au départ, rien n'est impossible en vrai. Il faut simplement bien se renseigner avant de faire, parce que le seul risque. Alors, je parle pas du gros œuvre, mais tout ce qui est placo, etc. Le seul risque, c'est de galérer à faire, de passer inutilement du temps ou de pas avoir les bons outils pour le faire, et pareil, passer du temps inutile. Peut-être gaspiller de l'argent. Voilà. Aussi. Mais si tu fais les choses pas à pas comme on peut te le montrer et que tu as les bons outils pour le faire et que tu fais attention que ton mur est droit, etc. Enfin, tu vois, des choses qui sont logiques. Hein. Tu arriveras à un résultat qui sera peut-être moins bon et tu auras peut-être passé deux fois ou trois fois plus de temps qu'un professionnel, mais tu seras sur un résultat de 80 à 90% semblable à ce qu'aura fait une personne pro. Donc, et tu seras en plus de ça très content de l'avoir fait. Ouais. C'est vrai. Alors moi après j'ai une seconde question. Est-ce qu'à votre avis, alors on fait des sols chauffants, on connaît avec des circuits, pas dans une urte. Il aurait pu faire une installation. Oui, parce qu'il a l'électricité. Alors en général c'est une circulation avec de l'eau, mais c'est un peu particulier. Hein, c'est pas de l'eau de consommation, c'est vraiment conçu pour du chauffage. À votre avis, est-ce qu'on peut faire pareil avec des murs? Oui. Ah oui. Ah bah oui. Ça existe. Que oui, hein. Oui, ça existe. On peut faire ça avec des murs. Alors c'est souvent. Ça doit coûter cher. Hein. C'est souvent par le bas du mur. C'est souvent le bas du mur parce que de toute façon la chaleur va monter quoi qu'il en soit. Mais effectivement, et tu peux avoir ça dans ton mur. D'accord. On peut faire des murs chauffants, ça existe tout à fait. Mmh. Et même c'est conseillé en général avec les murs chauffants de faire ensuite des habillages plutôt en terre ou en chaud. Ouais. Parce que du coup vous avez quelque chose d'organique qui ne va pas enfermer complètement la chaleur et ça va pouvoir par la cloison directement. Ouais. Et en plus si c'est sur le bas du mur, ça veut dire que ça assèche. Si t'as des murs un peu humides, ça les assèche en même temps, donc ça fait double utilité. Tout à fait. Alors j'en ai une autre. Vous avez sûrement dû voir des fois sur des chantiers, peut-être même que sur ton chantier tu as eu ça, Théo. C'est que en général on voit souvent un trait de niveau qui est fait au cordeau sur le mur. Alors il peut être bleu, il peut être rouge. Si vous êtes daltonien, vous ne voyez pas la différence. Mais ce trait existe. Et est-ce que vous savez à quelle hauteur et surtout par rapport à quelle hauteur on fait ça, ce trait de niveau, et surtout par rapport à quoi? Ah là, pour l'eau. Je sais pas. Je sais pas, parce que alors ce trait que tu fais, c'est avec de la craie, hein, c'est ça le Alors tu le fais à la craie, tu le fais au cordeau en général, tu le fais au cordeau. Le cordeau, c'est un rouleau où oui. t'as une corde, et du coup, dedans, tu mets une poudre bleue. Et en fait, ce qui est très simple, c'est que tu vas étendre comme un mètre, c'est ça. Tu vas te placer par des dents, tu fais ressort, et du coup, bah, pam, ça fait vraiment une ligne. Et c'est toujours aussi bien utilisé, ça, ou c'est de plus en plus remplacé par les lasers? Tout le monde ne fait plus le trait de niveau. On le voit de moins en moins sur les chantiers. Mais normalement, c'est une norme. On fait le trait de niveau. Ouais, okay. Parce que ça permet de continuer le travail s'il y a des choses qui ne sont pas encore finies sur le chantier. Allez, moi, c'est je vais dire à 1 mètre, comme ça, au pif. Moi, 19 cm. Moi, j'aurais dit 60 cm. Ouais, Angé 10 cm. Kylian ? Moi, j'aurais dit plutôt vers 1m30, 1m50. D'accord. 1m50, allez, hop. Et Brigitte, oh non, mais c'est ma taille. 50 cm. 50, d'accord. Donc, on a aucune réponse pareille. Il n'y a aucune réponse pareille. Donc, on va passer à la suivante pour vous laisser dans l'enfer. Est-ce qu'il y a un juste prix ? Alors, il n'y a pas un juste prix. Il y a une juste mesure qui est effectivement le trait est à 1 mètre. Mais yes attention, 1 mètre fini. T'as rien gagné, Camtac. 1 mètre fini. C'est-à-dire que le 1 mètre prend en compte l'épaisseur du sol, de la chape, du ragréage. Du plancher. Ah, d'accord, ok. Donc ça peut tout à fait se trouver à 1m50. Ouais. Ou à du sol. Ah bah non. Bah 60 cm, pas vraiment. C'est ma taille. Si tu prévois de creuser, effectivement, ça peut se trouver après au niveau. Donc c'est 1 mètre, mais au niveau du sol fini. D'accord. Toujours. Très bien. Alors j'en ai une autre. Et pourquoi ? Attends, juste. Bah pourquoi ? Parce que le mètre, c'est la mesure étalon. Ok. Tout simplement. Ça a le mérite d'être précis. Est-ce qu'une maison en bois est plus énergivore ? Non. Ça dépend de l'isolation. Bah voilà, c'est la réponse que j'attendais. Ouais. Non, je vous avais dit, elles sont pas très compliquées mes questions. Hein, naturellement, c'est vrai que si on compare l'isolation naturelle du bois par rapport à du parpaing, on a une meilleure isolation naturellement. En fait, quand on a quelque chose d'organique, qu'il en soit, on a un meilleur rapport et une meilleure isolation, alors pas forcément phonique, mais une meilleure isolation thermique tout du moins. D'accord. Mais après, tout dépend si on rajoute de la laine de roche, de la laine de verre, de la laine de mouton. On se fera un gros chapitre de la laine sur l'isolation. Fraîche, la laine utilisée. C'est pas mal ça. Lily Allen aussi, ça va. Je m'adapte à mon mauvais public. Les auditeurs combien ? J'en ai une dernière qui est un peu technique. Donc, on a parlé des constructions, des murs, de la structure. Alors, on a des séparations dans les métiers. On a ce qu'on appelle le pays et on a la coterie. Donc, c'est deux types de métiers, de corps de métiers qu'on différencie dans le BTP. Oui. Est-ce qu'un maçon est du pays ou de la coterie ? Du pays. De la coterie. Des côtes. Des seconds œuvres. Du pays. Ouais. Alors le pays, c'est celui qui travaille au sol. Donc, ou en contact avec le sol. Ça va être pays. Les carreleurs, ça va être les maçons. Ça va être les électriciens. Aujourd'hui, voilà, on inclut aussi des métiers comme ça. C'est très ancien en fait cette différenciation. Et la coterie, c'est ceux qui sont en l'air. Donc ça va être les couvreurs, ça va être les charpentiers. Moi en menuiserie, pareil, je fais partie du pays. D'accord. N'empêche pas qu'on grimpe aussi parfois un peu haut. Mais quand on pose des plaintes, on est bien. Ouais, moi je suis un pays. Je suis bien contente d'être au pays. Pays qui s'écrit comment ? Comme un pays. Comme un pays. D'accord. Un pays. Quel est le rapport ? Bah les pays, c'est ceux dont après c'est des habitudes qu'on a utilisées, de vocabulaire. Souvent beaucoup de choses qui viennent des compagnons. On a donc, par exemple, quand on est apprenti, on est lapin. Le patron, c'est le singe. Tu vois, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Le lapin de 6 semaines, exactement. Donc, quand on t'appelle mon lapin, c'est que t'es apprenti. Ouais, tu débutes. D'accord. Mais quand une fois que t'es plus lapin, que t'es ouvrier, t'es soit un pays, soit de la coterie. Et après, t'as des différences entre les métiers. Les menuisiers sont des potes à colle, par exemple. On fait beaucoup de collage. Pas des potes à colle. Pas des potes à colle, des potes à colle. Des potes à colle. Des potes à colle. Et les charpentiers, ce sont des bois de boue. Parce que eux, ils sont souvent debout sur le bois. Ah. Il y a des mots qu'est-ce un peu différents. Qu'on en apprend des choses. J'en parlerai à mon charpentier la prochaine fois. Ouais. Je lui dirai alors, debout, ça va. On prend l'apéro debout. Non, mais tu peux lui demander, tiens, quand il arrive, comment ça va les bois debout ? Ça se trouve, il sait même pas. Et ça se trouve, il ne sait pas. Je pense que parce qu'il y en a de moins en moins qui connaissent. Il utilise que du vocabulaire que je ne comprends pas. Mais c'est normal. Chaque pièce a un nom, c'est bien normal. Ah oui, donc quand il me parle. Je fais, c'est la poutre là-bas ? Je fais, oui, c'est ça. Bon, alors, j'en ai une toute dernière, mais là, ça nécessite un peu de bruitage. Ah. Est-ce que c'est porteur? Je pense ça, pas. Ça dépend si c'est plein ou creux. Personnellement, je pense pas, vu le bruit là. Bah oui, mais en même temps, ça c'est porteur de son. Du moins, on espère pas. On espère pas. C'est porteur de ses questions. Sachant que j'ai tout juste, est-ce que j'ouvre le rideau pour avoir la voiture ou est-ce que je prends la chaîne Ifi? Alors tu fais comme Adèle Haenel, tu te lèves et tu te casses. Je pense qu'on va tout faire ça. J'ai rien compris. Deal, ça va, on n'est pas si vieux. Ah ouais, Vincent Lagaffe. T'es parti loin. J'adorais. Ouais. Bon bah voilà, alors quand même. Angé n'était pas né. Non, Angé n'était pas né. On va se donner rendez-vous le mois prochain, les amis, pour la prochaine du chantier. Avant ça, guettez bien Indestar parce qu'il peut se passer plein de bonnes choses. Et en tous les cas, de la bonne musique, ça c'est garanti. Puisqu'on va profiter dans le prochain quart d'heure d'Higher Love de Charming Horses. On aura également Julie Henderson avec In The Star, c'est une reprise. Et on commence avec Rock Angel de Joachim Carud pour vous souhaiter une excellente soirée. On se fait des gros bisous. Et une bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ciao. Bonjour. Et pensez bien que pour faire des travaux, un peu de volonté, un peu d'huile de coude, un peu de main d'œuvre. Et c'est pas compliqué. Et c'est pas compliqué, ma petite dame. C'est facile. Un peu de sous aussi. On peut le faire. Bonne nuit tout le monde. Un peu beaucoup de sous. Et une maman. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.